Uh-oh. Please read your new text message. Les passagers pour le vol Arc-en-Ciel Orléans sont invités à se présenter à la porte d'embarquement du vol 96.2 FM. Départ imminent. Please read your new text message. Chers passagers, dernier appel pour le vol Didier Co, porte d'embarquement 96 2FM. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Chères auditrices, chers auditeurs, chers passagers, bonjour. C'est Didier, votre pilote, qui vous parle. Bienvenue à bord du vol Alpha Echo Charlie 96.2, radio Arc-en-Ciel Orléans. Il est presque 14h. Et vous embarquez pour le vol Didier & Co, le rendez-vous qui ouvre les portes de tous les univers. Chaque jeudi, de 14 à 16 heures, je vous embarque à bord d'un vol découverte. 2 heures de talk show où l'on décortique les sujets les plus variés avec nos invités. En cabine, studio, VIP ou au bout du fil. Didier & Co, c'est de l'insolite au fondamental. Du débat passionné à la découverte surprenante. Les jeudis après-midi, où la seule limite est la curiosité. Retrouvez-moi en compagnie d'invités pour 2 heures d'échanges, de musique, de témoignages et de surprises. Bienvenue dans Didier & Co, le talk show qui ne s'interdit aucun sujet. Art, science, société, sport, musique, passion, culture. L'essentiel est ici. Et pour finir ce voyage de 16h à 17h, on continue avec 1 heure de musique en haute altitude. Le temps du décollage, je vous demande d'attacher votre ceinture. Un petit point météo. Le ciel est clair, la visibilité est bonne, le vent est nul. Paré pour le décollage. Notre altitude de croisière de 31 000 pieds, soit 9 500 mètres. Vous pouvez déboucler votre ceinture. Vous êtes sur la fréquence 96.2 à bord du vol découverte Didier & Co. Pour nous accompagner dans ce vol 21, tout au long de ce voyage découverte Didier & Co sur 96.2 Arc-en-Ciel Orléans, j'ai le plaisir d'accueillir une guide et experte du sujet du jour qui va être notre radar, notre boussole pour nous aider à naviguer entre les réalités et les idées reçues. Un regard précieux pour mieux comprendre les paysages d'un fonctionnement neurologique particulier, un fonctionnement atypique de neurodivergence qui influence la manière de percevoir le monde et d'interagir avec les autres. Mais avant de faire connaissance avec notre invité qui est bien installé en cabine VIP, je vous propose une première escale musicale. Je suis atteint d'un handicap, mais je pense pas que tu l'as capté. Car il ne se voit pas physiquement, disons qu'il est camouflé. Les mains sur les oreilles, car je t'avoue que certains bruits m'angoissent, mais j'aperçois un humain quand je vois mon reflet dans la glace. Quand je fais des crises dans le métro, mes parents sont pointés du doigt. Parfois mes parents se disputent, mais bon je sais que c'est à cause de moi. Moi je vis dans un monde où mes habitudes me font du bien. Si tu changes ma routine, je crie, je pleure, ça craint. Comme certains de mes semblables, je suis malheureusement non-verbal. Je communique avec les mains, et puis parfois des larmes. Encerclé par des critiques, papa dit que je suis unique. Mais le médecin a diagnostiqué que j'étais autiste. Je comprends pas le regard des gens. Je me sens si différent. Si tu savais comment je me sens. Je suis différent. Je comprends pas le jugement des gens. Personne ne se soucie de savoir ce que mon cœur ressent. Je suis différent. Je suis différent. Juste un peu différent. Mais bon, je ne suis qu'un humain. Quand l'injustice me pointe du doigt, mes sentiments tapent du poing. Je me sens pas bien dans la foule, y'a tellement de bruit dans la ville. Peut-être que je me sentirais mieux, allongé sur une île. Pourquoi c'est moi qui devrais forcément m'adapter à vous? Ma différence est une richesse, non monsieur, je ne suis pas fou. Mon monde est rempli d'âmes pures, le vôtre est rempli d'ordures. J'ai une pensée pour mes parents, car je sais que pour eux c'est dur. Tous les autistes ne sont pas forcément des surdoués. J'aimerais vous demander de pouvoir délaisser ce cliché. Encerclé par des critiques, papa dit que je suis unique. Mais le médecin a diagnostiqué mon trouble autistique. Je comprends pas le regard des gens. Je me sens si différent. Si tu savais comment je me sens. Je suis différent. Je comprends pas le jugement des gens. Personne ne se soucie de savoir ce que mon cœur ressent. Je suis différent. Je suis différent. Bonjour Cassandra. Bonjour. Eh bien, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 14h06 et tu vas nous parler d'un sujet bien particulier. Mais on a deux heures pour en parler, donc on va prendre un petit peu le temps. Bien évidemment, et profiter de cette chaleur et de ce soleil, quoi qu'on ait à l'intérieur. Mais bon, on en profite quand même. Ça met le sourire dans le cœur et sur les lèvres. Dis-moi, Cassandra, hormis ce que tu fais en général, est-ce que tu peux un peu plus te présenter? Moi, je m'appelle Cassandre, je viens de Derrière-Gien, dans un petit village qui s'appelle Bonny-sur-Loire. J'ai 43 ans, j'ai un diplôme de moniteur éducateur et d'éducateur spécialisé avec plein d'autres spécificités. Et puis dans la vie, j'aime m'amuser, sourire et faire de la musique. C'est déjà pas mal. Ah, tu fais de la musique aussi. Dans un milieu qu'on connaît bien tous les deux. Alors, tu as un groupe, tu joues un petit peu. Alors, je suis chanteuse dans un groupe qui s'appelle Les Anonymes. On tourne pas mal dans Loiret, Lyon et la Nièvre. D'accord, vous êtes aussi anonyme que ça ou ça tourne un petit peu? On est anonyme, on doit des sous aux gens, on est anonyme. Ouais, d'accord, il vaut mieux vous jouer masqué, alors c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Bah écoute, donc tu vas nous parler d'un sujet, on l'a bien compris, sur ce thème texte un petit peu râpé que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai trouvé très très beau au niveau du texte pour mettre en ligne, en vol. Donc bienvenue à toi donc sur Radio Merci. Arc-en-Ciel dans l'émission Didi & Co. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Tu sais, je suis comme ça, moi. J'aime bien attraper les choses tout de suite. Là, maintenant. Prenons-le au vol. Exactement. Dis-moi, pourquoi ce sujet est-il important pour toi? Il est important pour moi parce que quand on travaille, on passe pratiquement plus de temps dans nos lieux de travail que dans nos vrilles privées. Parce que, quand on travaille 10, 12 heures, 7 heures par jour, si on fait le calcul, voilà. Moi, mon travail, c'est d'accompagner des enfants, là, actuellement, avec des troubles autistiques. Et c'est important pour moi de les mettre un petit peu en lumière. Parce que de plus en plus, on les voit. On les met en lumière, mais je pense qu'il faut aller parfois creuser pour vraiment voir qui ils sont. Bien sûr. Bien comprendre. Je crois qu'on va avoir deux heures. Alors, j'ai eu un appel téléphonique, je sais pas si c'est un auditeur, une auditrice. Je n'ai pas pris l'appel pour une bonne simple raison technique, c'était que j'étais en fin de morceau et je ne pouvais pas répondre au téléphone parce qu'on est tout seul à la technique. Donc, on fait la tech et on fait l'animateur en même temps. Donc, je pouvais pas répondre et au téléphone et lancer le blabla avec mon invité, la discussion. Donc, qu'il nous en excuse ou qu'elle nous en excuse et qu'elle m'envoie un petit mot éventuellement via Didi & Co, je lui répondrai. Mais je prends pas trop d'appels en ce moment. Je suis un petit peu nouveau dans la radio. Je prends pas trop d'appels en ce moment. Je crois que ça allait bien dans le sujet, d'ailleurs. Je croyais que c'était dans la musique, mais. Voilà, non, mais c'est, voilà, je suis pas encore assez formé pour le faire. Ça viendra. Mais pour l'instant, on évite. Et puis surtout, en fin de morceau, comme ça, c'est pas évident. Donc, on a bien compris qu'on allait parler de l'autisme. Absolument. Hein, qui n'est pas... qui est plus une... Comment tu situerais un petit peu, toi, c'est un handicap, hein, c'est pas une maladie psy. Ça, c'est important de le souligner. C'est un vrai handicap. Je trouve que la musique et les textes que tu as mis juste avant, ça décrit très très bien. C'est un handicap invisible où les gens disent « tiens, il est bizarre ». Alors en fonction du degré et de ce qu'on a, en tout cas dans les traits autistiques, je trouvais que c'était bien dit « il est bizarre ». Ouais. Ouais. Voilà. C'est bizarre, quoi. Qui est bizarre? Qui est bizarre, c'est ça. Hein? Qui est le plus bizarre nous, dans ce monde? À ses yeux, ou voilà, il y a pas. C'est toujours un petit peu le problème de nous, être humain. Faut toujours qu'on se mette dans des casiers, dans des choses. Ça. Il est comme ça, il est pas comme ça. Elle est blonde, je suis brun, elle est, voilà, je dis, ça a pas d'importance, ça. On est comme on est, ce qu'on est surtout. Voilà. Après, bon, il faut savoir vivre avec ses différences. Le handicap, c'est pas évident. Et moi, en ce moment, je suis énormément bercé dans ce milieu-là parce que bon, j'ai un ami que je salue qui est sûrement à l'antenne, qui est dans le 85, qui s'appelle Jean-Guy, qui vient de sortir un livre justement sur le handicap parce qu'il est lourdement handicapé physique, non pas moteur. Lui, le moteur, il tourne, hein, par contre. Hein. Si je vais le faire sourire, mais voilà, il cavale les garçons, malgré qu'ils sont en scooter. Voilà, il travaille, puis il fait beaucoup de belles choses pour le handicap, donc je pense que c'est général. Et puis, voilà, il faut en parler parce que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà, il faut pas les laisser de côté, que ça soit trisomie 21, l'autisme, enfin tout myopathe, tout ça, c'est tous autant qu'ils sont. Et puis c'est quand même bien mis en lumière maintenant en 2026. C'est quand même des choses qui se mettent de plus en plus en lumière, auxquelles on intègre le handicap, peu importe ce qu'il est, hein, sensoriel, intellectuel, physique, mental. Il y en a beaucoup qui se pensent être bien portants et qui sont vraiment atteints. Au final, voilà, ils sont handicapés dans leur tête, mais bon, faut pas leur dire. Hein, n'écoutez pas, messieurs, dames, surtout. Ah, les bêtises de Didier sur Didier & Co. Je vais pas tarder à passer une petite escale musicale pour redescendre un petit peu après cette présentation, mais comment es-tu lié à l'autisme? C'est un voulu personnel, professionnel, associatif? Alors, Raconte pas tout. Dans ma carrière, j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'aide sociale à l'enfance. J'étais pas du tout vouée à accompagner des personnes avec un trouble autistique. Pas du tout. Parce que quand on me connaît, je suis très bordélique. Voilà. J'ai travaillé 17 ans dans l'aide sociale à l'enfance. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu avancer dans ma carrière. Je réponds à une offre d'emploi. Je ne savais même pas ce que c'était. De toi à moi, c'est vrai. Je réponds au pif au mec. De toute façon, vous inquiétez pas, on est tous les deux. Enfin, non, on est trois. Il y a un jeune homme qui nous accompagne. Il y a aussi des gens qui nous écoutent. Dans le studio, donc après, il y a plein. Il y a des milliers de gens qui nous écoutent. Et je les salue toutes et tous. Et voilà, je crois que des fois, il y a du destin. Il y a des choses comme ça qui se font en trois jours, parce que ça s'est fait en trois jours. D'accord. Je réponds à une offre d'emploi qui était dans un foyer d'accueil médicalisé spécialisé en autisme. Et après un entretien, trois jours après, j'ai été prise. D'accord. Moi, je savais même pas ce que c'était. Ok, donc tu as découvert sur le tas, quoi, directement. Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire. Eh ben, écoute, tu sais que là, nous sommes donc en vol. C'est le vol 21 dans Didier & Co. Puisque le thème, c'est un petit peu l'aviation. C'est le voyage découverte à travers plein de sujets. Aujourd'hui, c'est l'autisme. La dernière fois, c'était un artiste local, régional, qui est venu nous parler de ses projets musicaux, enregistrements. Chris Milan, que je salue. La semaine prochaine, ça sera une personne qui viendra nous parler des Yann Naya et de la vieille Europe. Donc voilà, ça bouge pas mal, ça bouge beaucoup, et c'est très bien comme ça. Voilà. Bah écoute, je te propose directement d'aller voir des enfants. Alors c'est des enfants belges qui ont chanté cette chanson, et je l'ai trouvé assez sympathique. Donc je l'ai mise, et le titre c'est La différence. Alors. Qu'elle est dans la danse. La différence, je vois pas bien le titre, mais je vous la mets, ça sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti, et bonjour à la Belgique en même temps. On a nos manies, nos têtes envahies, gestes maladroits, en mode pourquoi. Un regard s'égare, on a parfois peur, et notre langage. Pas toujours à l'heure. L'Europe, il écrit, sont notre défense, c'est notre détresse qu'on vous balance. We'll be right back. donne des coups, on peut tout casser. Mais quand notre cœur déborde de joie, on flappe les bras, on fait n'importe quoi. On voudrait comprendre toutes nos émotions. Le monde va trop vite, ralentissons. Voilà, donc un petit compte-rendu de ces enfants belges donc qui chantaient et qui dansaient en même temps. J'avais pas le titre bien parce que j'avais un petit rayon de soleil qui me gênait sur l'écran. Donc c'est la différence. Quelle drôle de danse, c'est vrai. Hein, c'est une belle drôle de danse. Je trouve que ces titres-là, ils sont d'enfer. Je les adore. Voilà, bah, tu en découvriras d'autres. Tu les connaissais déjà, ces titres? Pas du tout. Du tout. Bah, tu vois, comme quoi. On en apprend des choses avec Didier Enco sur Arc-en-Ciel, n'est-ce pas? On est sur le 96.2, il est 14h18 et c'est Cassandre qui nous parle bien évidemment de l'autisme. Alors justement, on va essayer de comprendre un petit peu ce problème neurologique. C'est un problème neurologique déjà au départ. Alors c'est ça, l'autisme, TSA, parce qu'on parle aussi TSA, autisme, il a plein de noms différents. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ça se passe dans les neurones qui ne se détectent pas à l'image. Sinon, ça serait quand même vachement plus simple. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Ah, je le souhaite. Avec IA, avec tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut. Et en fait, ça ralentit, c'est un ralentissement cognitif dans les apprentissages. Donc ça, c'est les troubles neurodéveloppementaux. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a la motricité globale, il y a la motricité fine, le langage, socialisation, cognitif, les déficiences intellectuelles. Tout ça, voilà, c'est qu'à un moment donné, ben, les neurones, ils font pas de petits bisous et la connexion, elle se fait pas. Et pourtant, je sais tout faire. D'accord, c'est pour ça que moi, souvent, je vais me promener et je vais reconnecter les neurones. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, faut mettre pause et faut revenir. Voilà, alors, aujourd'hui, on s'est compté 1, 2, 3. Demain, on saura plus, même parfois 30 secondes après. C'est très, très drôle. D'accord, effectivement. Ouais. Donc, l'autisme, c'est tout ça. Est-ce que tu peux m'en dire, enfin, à m'en dire à moi, mais surtout aux auditrices, aux auditeurs qui envoient des petits messages d'ailleurs. Ah, bah, on va leur faire coucou, hein. Voilà. Alors, l'autisme, c'est quelque chose de très, très particulier. On parle du spectre parce que c'est à l'arrière du cerveau. En tout cas, c'est ce qu'on a pu, dans les recherches actuellement, trouver. D'accord. Voilà. Et en fait, ça dysfonctionne. Le monde, je trouve le texte est vraiment beau de ce qui a été passé juste avant, parce que c'est vraiment ça. Le monde va trop vite. On comprend pas tout. Et pourtant, bien mis à l'arrêt, voilà, j'ai pas de filtre. Je sais pas gérer mes émotions, tout ça. C'est un peu le bazar. Et en fait, la première chose qu'on voit quand même dans l'autisme, ce sont un handicap social. La première chose, c'est qu'on a un trouble social avec l'autre. D'accord. Voilà. Alors, soit on ne voit pas, ça peut arriver. On dit souvent, ils voient dans des trous de souris. Moi, j'ai eu des adultes qui, pourtant, je suis assez large quand même dans le passage. Et souvent, on pousse l'épaule. Et instinctivement, je vais leur dire, pourtant, je ne suis pas assez large, tu ne m'as pas vu. Non, il a vu dans un trou de souris. Alors, j'invite les gens qui nous écoutent à aller vérifier à ce qu'on voit dans un trou de serrure. Parce que c'est vraiment ça qu'ils voient. C'est un objectif, il y a quelque chose de... J'ai décidé d'aller chercher un verre et quoi qu'il arrive sur mon passage, je vais un peu déglinguer ce qui se passe parce que je les vois pas. Réellement, je ne les vois pas. J'ai arrêté de regarder parler les trous de serrure parce que tu sais, tu prends des courants d'air et après ça te fait... après, t'as la larme à l'œil, je voudrais pas que tu pleures. Voilà. Puis des fois, on voit des choses qu'on devrait pas voir. N'est-ce pas? Non, mais effectivement, ouais. Je comprends un petit peu ta façon d'expliquer le... L'autisme, c'est vraiment ça. La première des choses, c'est que les interactions sociales avec les autres ne sont pas bonnes. J'ai plein d'exemples. Oui, je m'en doute. Les repas de famille, c'est pas leur kiff, quoi. D'accord. De toute façon, ils comprennent même pas ce qu'ils font. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que... la fonction du repas est une fonction de repas. Je suis pas là pour échanger avec les autres au restaurant, quoi. D'accord. Voilà. Okay. L'histoire, elle est très claire. Après, on dit souvent, et ce qu'on va reconnaître dans l'autisme, on y voit souvent sur Internet des choses comme ça, on voit un iceberg, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, nous, à la surface et en dessous. Il y a la face cachée. Cachée. C'est dur à dire, ça. L'autisme a un trouble du langage, tu feras attention. Ouais, surtout que j'ai la bouche pâteuse et voilà... Il y a ce qu'on voit pas en dessous, c'est-à-dire tout ce qui est autonomie, parce que c'est pas des gestes, le geste fonctionnel, ça leur sert pas à grand chose, quoi. Alors allez prendre une. Je peux être prof de fac en histoire géo parce que j'expliquerai pourquoi je suis prof de fac en histoire géo, mais pas au collège dans les interactions sociales. Par contre, je sais pas prendre ma douche. D'accord. Parce que je ne sais pas la prendre. D'accord. Voilà. Okay. Il y a donc tout ce qui est dans l'autonomie, il faut être très ordonné. Il y a tout ce qui est les hypos et les hypersensibilités. Alors c'est les sens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en a pas que 5 des sens. On en a 7. Tout le monde nous les neurotypiques, c'est-à-dire que tous ceux qui rentrent dans cette norme qu'on a classée, la norme, parce que est-ce qu'il y a réellement une norme dans cette histoire, j'en sais rien. Et en fait, on parle de 5 sens, en fait, on en a 7. On a en plus ce qu'on appelle le vestibulaire. Le vestibulaire, c'est ce qui nous sert à trouver l'équilibre. D'accord. Voilà. Et la proprioception, c'est ce qui nous sert à repérer notre corps. Si j'ai les yeux fermés, je te demande de toucher ton nez. Instinctivement, tu sais où est placé ton nez dans... c'est ça. T'as un problème cerveau, de proprioception. Ouais. C'est souvent, c'est pour ça que... Moi, ça m'est arrivé d'être en formation avec des personnes qui ont un trouble autistique, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, c'est-à-dire qui n'ont juste le trouble autistique, et qui, à un moment donné, on est en visio, et qui dit, moi, j'ai trop d'informations, je vais être obligée de couper ma caméra parce que je ne vois plus mes mains pour attraper mon stylo. D'accord. Alors, en soi, ça nous a fait beaucoup rire, vraiment. Et en fait, elle nous a très très bien expliqué que, en fait, trop d'informations, le monde va trop vite dans le texte. C'était hyper bien dit. En ce moment, c'est le cas. Donc il fallait qu'elle regarde la caméra, il fallait qu'elle écoute avec ses hyposensibilités auditives et qu'elle comprenne la traduction de ce qu'on discutait avec une interaction à 10. Et en fait, elle en oublie son corps et elle ne peut plus attraper ce stylo. D'accord. Donc elle va couper certains sens pour réactiver les autres. Mais ça, le fait de toucher l'endroit dans son corps, même en fermant les yeux, je sais, je travaillais un petit peu dans les secours il y a quelques temps, c'est pour ça que j'ai connu un petit peu le milieu de l'autisme, et j'ai des souvenirs là-dessus, mes cheveux s'en souviennent. Je sais que des fois, quand dans nos cours, quand je travaillais un petit peu en urgence, quand on avait un accidenté ou une chose comme ça, une personne qui est consentée, qui n'était pas conscient à 100%, enfin qu'il était, on lui faisait faire, déjà au niveau de la parole, on lui demandait s'il se rappelle comment il s'appelle, tout ça. Et des fois, quand on doutait un petit peu, on lui disait, est-ce que tu peux toucher ton nez? Ouais. Ou est-ce que tu peux toucher mon nez, suivant la capacité? Et des fois, ce qu'on nous apprenait, c'est qu'on disait, est-ce que tu peux toucher, est-ce que tu peux me faire voir ton nez? Et à ce moment-là, on montrait l'oreille, par exemple. Et on voyait si la personne, si elle hésitait, Donc voilà, enfin, tout ça, c'était pour voir si le cerveau était bien... C'est ça, et c'est ce qu'on appelle la proprioception. Maintenant, on le saura. Bon, voilà. Ça, c'est une parenthèse, hein. Je ne vais pas sortir ma science, mais c'était pour en parler, que ça sert beaucoup dans le médical. Et dans l'autisme, parce que c'est important, parce que des fois, nos corps, en tout cas, ils ne sont pas ressentis, ils ne le ressentent pas de la même façon. Tout ce qu'on voit pas aussi dans les phages cachées, alors ça c'est très technique, mais c'est les fonctions exécutives, c'est plein de petites fonctions juste pour aller ouvrir un portail. Hein. Alors il y a plein de choses pour aller ouvrir un simple portail, mais pour eux c'est d'une complexité totale. Vraiment. Ils ont juste à appuyer sur le bouton. Pourtant je donne les clés, je lui dis d'aller ouvrir le portail, et en fait il y a au moins 7 fonctions dans mon cerveau qui va me demander de construire pour aller ouvrir le portail. Et s'il y en a une des 7 qui ne fonctionne pas, le boulanger va rester longtemps. D'accord. Et ça, c'est une vraie histoire, parce qu'à l'époque, c'était la pharmacienne. Elle restait parfois très longtemps. C'est bien embêtant, surtout quand on attend le pain le matin pour déjeuner. C'est ça, pour déjeuner. Et ensuite, il y a des stéréotypies. Voilà. Alors ça, les stéréotypies, on les met en dessous dans l'iceberg. Ceci dit, les stéréotypies, on les voit très, très régulièrement. On voit le balancement. Voilà. On peut croiser ça. On peut croiser ce qu'on appelle le papillonnement, c'est le bouger des mains devant les yeux ou devant le visage. Voilà. Vulgairement, on appelle ça le papillonnement. Je trouve que c'est joli, comme le petit papillon. Ouais, c'est des termes qui vont bien avec le sens. Et puis c'est mignon, quoi, je veux dire. Ouais, c'est mignon. Ouais. Et puis, ils ont un trouble du langage. Alors, les troubles du langage, il y en a plein. Il y en a qui sont très, très drôles. Il y en a qui sont moins drôles. Alors, les troubles du langage, c'est bien dit dans la chanson juste avant. On dit, moi, je communique pas. Je ne parle pas. Alors, c'est vrai. Il y en a certains, moi, beaucoup que j'ai accompagnés, surtout chez les enfants, qui n'ont pas le langage. Pas du tout le langage. Donc là, on communique avec nos gestes. Moi, j'ai une spécificité qui est l'apprentissage de la communication par image, c'est-à-dire qu'on va communiquer avec des images. D'accord. Auxquelles on va leur apprendre ce que c'est. Parce qu'en fait, en soi, on se dit, tiens, si je lui donnais une image avec un papillon, l'histoire, elle est claire, c'est un papillon, quoi. Eh ben non, il faut leur apprendre. D'accord. Il faut tout apprendre. C'est parce que quand nous, les petits, qui ont 2-3 ans à l'école... Ouais, c'est dans l'éducation. Ouais, c'est dans l'éducation. C'est une éducation permanente, parce que est-ce que demain, il s'en rappellera? C'est la question. Alors régulièrement, ils ont quand même ce qu'on appelle dans les fonctions exécutives l'ancrage de mémoire. Donc en fait, il va s'en rappeler au fur et à mesure, parce qu'on va être assez intelligent pour aller discriminer cette image qui va être très importante pour lui. Le repas, l'eau, enfin des choses. On va apprendre par image des choses qui sont quand même assez basiques, qui vont aller dans moi, ce que je vais le lui demander, et en sens inverse. Parce que la communication, elle a 2 sens. Il y en a une où je vais te donner une expression, c'est-à-dire que je vais te faire passer un message, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est très important, j'ai envie d'aller aux toilettes quand même. C'est important, ça. Et on parle bien d'autonomie. Donc ça, on peut pas se mettre tout nu, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc il va apprendre à nous donner une image pour qu'on puisse aller aux toilettes. Ah, il va aller chercher une image qu'il a devant lui. Absolument. Alors ça, c'est des apprentissages, mais c'est ce qu'on appelle le PECS. C'est une communication par échange d'images. Et c'est pour ça que vous allez régulièrement croiser des enfants ou des adultes qui ont des grands classeurs avec des images à l'intérieur. Alors, il y a quelques années, on a appris le langage des signes à ces enfants ou ces adultes. Or, peu importe qui on est dans la rue, je ne crois pas que tout le monde sache signer d'aller aux toilettes. Voilà. Moi non plus. Quoique, dans mon expérience professionnelle, je travaillais à l'école des sourds et muets à Saint-Jean-d'Hervel. Donc, avec un peu de mémoire, je vais m'en souvenir. Mais peu importe moi, je suis pas sûre. Par contre, une image où il y a des toilettes dessinées, et même si l'image en soi ne ressemble pas forcément à des toilettes, en dessous, il est systématiquement écrit le mot. D'accord. Ce qui va permettre à ces enfants, à ces adultes, de pouvoir communiquer avec n'importe qui et n'importe où. D'accord. Donc, en fait, ils se promènent avec un... Oui, ils se promènent avec un classeur. Dedans, il y a un paquet d'images auxquelles on leur a fait apprendre la fonction de l'image. C'est un travail de titan, vraiment. On est en 2026. Maintenant, il existe les tablettes. Les tablettes, absolument. J'allais te le dire. Ouais, mais après, faut-il, comme ils ne savent pas ouvrir un portail, faut-il aussi après qu'ils leur apprennent à se servir. Alors là, ils sont bien plus fins que nous et ils savent tous ouvrir un portable. Et, alors, c'est tout le trouble de l'autisme. D'accord. C'est que je ne sais pas me laver. Par contre, je sais ouvrir un téléphone et je peux même récupérer ton propre code avec une bonne analyse. Ouais, d'accord. Donc, c'est une déficience d'un côté, oui. Et de l'autre côté, c'est un. Absolument. Il y a une déficience et de l'autre côté, il y a un plus. Il y a tout à fait ça. Je veux dire, de toute façon, c'est comme quand tu prends une personne qui est malvoyante ou non-voyante. Bon, elle a des sens qui sont démultipliés ailleurs. Donc, c'est tout à fait. C'est très bien de le savoir et de pouvoir en parler. Donc, oui, tout à l'heure, on parlait le spectre. Donc, le spectre, c'est derrière, oui. C'est au niveau du cerveau. Du lobe à l'envers. D'accord. En arrière. Alors, moi, ça, c'est ce que j'ai appris, hein, parce que, pour le coup, j'ai été formée à la fac de médecine de Tours, d'accord. Qui ont un très, très beau pôle de formation autisme et les TND, des troubles neurodéveloppementaux dans sa généralité. Voilà. Alors, ils vont aller un petit peu en détail parce qu'on appelle ça la fac de médecine, donc faut aller faire un peu de médecine. Voilà, il faut. Ceci dit, dans mon quotidien, c'est pas moi ce que j'ai besoin de retenir chez un trait autistique, c'est les interactions sociales. Voilà, dans mon autonomie, ben, je suis un peu limitée. J'ai des hypos ou des hypersensibilités, c'est-à-dire que je vais pas supporter la musique, mais ou je vais pas l'entendre. Ça, c'est important aussi parce que hypo. Je n'entends pas, ou hyper, ça va vraiment me déranger. Et les stéréotypies gestuelles, et il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous, un intérêt restreint. Et l'intérêt restreint, c'est ce qui va les stimuler dans leur quotidien. Alors, ça peut être tout et rien, et ça peut être inimaginable. Je vais faire une petite dédicace parce que je sais qu'il y a des familles qui m'écoutent. Et Morgane avait un intérêt restreint. Il en avait plusieurs parce qu'ils peuvent varier en plus au passage. C'est vachement complexe leur histoire. Il avait un intérêt restreint pour les dinosaures. Il adorait les dinosaures. Et je ne sais pas te dire bonjour parce que... Je m'en fous. Et puis je ne sais pas te le dire en fait. Voilà. Par contre, je connais tous les noms de dinosaures. Tous, d'accord. Autant qu'ils sont, et ils peuvent ils ciblent vraiment leur intérêt, leur truc, et ils restent dans leur... Et ils vont rester dans leur truc. Il avait aussi quelque chose sur les voitures, il connaissait toutes les marques de voitures avec les couleurs, c'était un truc de fou. Et tout à l'heure, je parlais du prof de fac. C'est une vraie rencontre, hein, quelqu'un qui avait un trait autistique, avec pas de déficience intellectuelle, je le redis, parce qu'on expliquera pourquoi. Il pouvait être prof d'histoire géo à la fac. Parce que son intérêt restreint était l'histoire-géographie. Il adorait ça. Il le faisait parfait. Il le faisait avec une telle perfection. Pourquoi à la fac? Parce que j'ai pas d'intérêt avec, j'ai pas d'échange avec les autres. D'accord. Mais si je suis au collège, je vais être obligée d'échanger avec les enfants. Parce que je vais avoir des questions, en fait. Alors, quand on n'est pas autiste, toi, tu parles parce que tu connais, t'as appris et tu encadres. Mais une personne, je veux dire, dans la rue, d'ailleurs j'ai des questions d'auditeurs à ce niveau-là. Quels sont les signes les plus fréquents où on peut dire cette personne, elle est pas bien? Parce que des fois on veut dire il a bu, il est bizarre. Ouais, il est hautain, il nous parle pas. Ouais, ouais. Alors ça, on l'a aussi beaucoup rencontré. Hein. Les signes les plus fréquents, c'est le regard. Voilà. Et les signes aussi assez fréquents. Alors, si on le croise dans la rue, quelque part, on pourrait presque pas le voir. Il y a quand même ce regard qui est assez fuyant. Il y a peu de maintien du regard. Il y a pas de soutien. Et puis, souvent, on va trouver, à coup qu'on va échanger un petit peu avec les gens, c'est le manque sur les visages. L'absence d'émotion. Je vais dire. Après, il y a, quand tu l'observes, il y a les gestes que tu disais tout à l'heure, le signe de la tête, le basculement. On va le trouver sur d'autres. Après, c'est des niveaux sûrement, des degrés de. Ouais. Absolument. D'accord. Alors, voilà. Quelqu'un qui a. Les premiers signes sont les intérêts, la participation sociale, c'est-à-dire qu'on échange peu avec les gens. Ça, c'est ce que les gens, on va pas dire bien portant, mais les gens dans la norme, ne savent pas toujours trop faire. Ouais. Alors, il y a plein de gestes qu'on a qui nous trahissent, et des gestes que de tous les jours, on a tellement l'habitude, c'est comme passer à des vitesses avec une voiture, si on n'a pas une voiture électrique, ça devient un automatisme, mais il y a plein de gestes, et des fois on se fait une fausse idée, préconçue sur la personne, elle est pas bien, elle est malade, elle est bizarre, tout simplement. Elle est bizarre, alors souvent on va attendre, elle est bizarre. Voilà. Ouais. Et toi, t'es pas bizarre ? Si. Très. Mes collègues pourraient te le dire. Alors, je pense qu'il y a une question qui va te faire sourire et qui va faire sourire plus d'un et plus d'une. Peut-on guérir de l'autisme ? Non. Non. Non, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de remède. On parle bien de neurones, hein, voilà. On parle bien dans les apprentissages. Alors, bien sûr, on va avancer. Alors, plus c'est détecté plus tôt et plus jeune, plus on va pouvoir accompagner ces tout petits dans les interactions sociales, dans les gestes de la vie quotidienne, dans le langage, parce que, voilà, on détecte de plus en plus. Mais on ne peut pas guérir de l'autisme, alors. Pour l'instant. Alors, ça me fait rire et parfois, ça peut aussi me mettre en colère parce que après, j'ai travaillé aussi avec des psychiatres hein, qui ont parfois prescrit des médicaments, des neuroleptiques, des choses comme ça. Et il faut bien en comprendre le sens. Parce que souvent, on voit des personnes avec des traits autistiques ou en tout cas dans les foyers, dans des IME. Donc là, c'est vraiment... IME, Institut Médico-Éducatif. C'est ça. Voilà. En fait, on va accompagner ces enfants ou ces adultes dans leurs difficultés, dans leur stress, en fait. C'est pour ça qu'on place quelques médicaments pour essayer en tout cas de descendre du stress, dans la gestion des émotions, des choses comme ça, pour qu'on puisse rentrer éducativement et les accompagner à mieux, et puis même pour eux, pour mieux gérer le fait d'aller chez le médecin. Ça c'est quelque chose. Je crois que le pire c'est le dentiste. Alors déjà nous on a du mal. Alors j'ai eu une petite expérience du dentiste ou ORL. Croyez-moi, il s'en souviendra toute sa vie, je crois. C'est le dentiste. L'ORL, c'est un ORL, il s'en souviendra toute sa vie. Non, on peut pas en guérir. En tout cas, on peut essayer de mieux en mieux les accompagner parce qu'on comprend mieux. C'est-à-dire que notre vue commence à mieux comprendre dans quel monde il vit. Voilà. Écoutez, si vous êtes comme moi, que vous avez une petite soif, vous avez envie d'aller vous chercher un petit café, vous êtes bien dans votre canapé ou à un feu rouge en train d'écouter 96.2 Arc-en-Ciel avec Cassandre qui nous parle de l'autisme, bah écoutez, je vais vous passer pour vous faire patienter dans les bouchons, quoi qu'à cette heure-là, il n'y en a pas encore beaucoup, mais je vais vous faire un petit escale musical. Allez, c'est parti. L'autiste est né indifférent des autres enfants de son école. Bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ses silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. L'autiste répète les mêmes phrases, les mêmes gestes d'incohérence, un peu comme nous le faisons tous, perdus face à notre existence. Certains le jugent, d'autres le blessent, par leur regard, leur impatience. Mais loin derrière toute sa tristesse, il cache un cœur immense. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ses silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. est né bien différent des autres enfants de son école. Bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ses silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. Eh bien, bien sûr, vous retrouverez tous ces titres avec ce sont de ces titres justement des chanteurs et des interprètes sur la page Didier & Co lors du podcast qui nous est préparé et fait par un autre ami qui est aussi handicapé, mais voilà, il occupe son temps et il le fait très bien d'ailleurs, Florent Amigo, qui nous fait tous les podcasts et des émissions, et je le salue, je tente de le faire à chaque fois, de ne pas l'oublier, de temps en temps lui souhaiter son anniversaire quand c'est le jour. Donc c'était encore un titre qui était sur l'autisme. Après, ça va être ça sera pas un titre sur l'autisme, mais ça sera un titre qui va avec justement ce problème neurologique. Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu personnellement, toi, de ton parcours, dont tu nous as parlé dans ta présentation humaine, personnelle, mais là, ton parcours un petit peu pour en arriver à être ce que tu es aujourd'hui, Cassandre? Alors, je le redis, hein, j'ai été diplômée en 2005 de moniteur éducateur. Moi, toute ma vie, je crois que si tu me posais la question, qu'est-ce que je ferais d'autre, je saurais pas de quoi te répondre. Je crois que c'est inné. Si, tu chantes. Ouais, je chante, mais je crois que c'est inné d'accompagner l'autre. C'est pour l'autre. Te libérer aussi un ouais, petit peu. Ouais, ouais. Mais accompagner l'autre, voilà, je pense que ça fait partie de moi. J'ai été donc diplômée. J'étais pas vouée à aller dans le handicap. Moi, dans ma tête, c'était très clair. J'allais travailler avec des jeunes délinquants et ah oui, ça, ah ouais, c'est j'ai pris l'opposé. Ouais, j'ai failli le faire, si j'ai failli aussi pas ces pays. Ouais. Voilà. Donc, et puis, je crois que je suis un peu, je crois que je suis toujours bercée par une bonne étoile dans ma vie parce que dans ma carrière, en 2005, je suis diplômée. Et j'ai l'opportunité de rentrer dans une structure qui a été une création de structure, c'est-à-dire que bah il y avait la Fondation La Vie au Grand Air avait une mission qu'ils ont récupérée du département qui était l'accueil d'urgence pour mineurs, des enfants qui étaient placés par le juge ou le magistrat en direct. Ils avaient la maison, on n'avait même pas les meubles. Voilà. D'accord. Donc on a fait une création de structure complète. Ce sont deux chefs de service qui ont pris un pari fou de prendre 8 éducateurs de toute la France. Voilà. Pendant 3 semaines, on a construit le projet, comment on allait accueillir ces enfants. On a été aussi faire les boutiques, hein, parce qu'il fallait des lits. Oui. Voilà. Et puis, dans ma vie, je me suis dit, je vais y rester 5 ans, puisque j'étais native d'Orléans. Je déménage autour de Montargis. Puis je me dis, je vais y rester 5 ans. Et puis, bah, ma foi, j'en suis restée 17 ans quand même. Ah oui, en effet. Voilà, avec ces enfants qui sont placés par le juge ou magistrat en direct, de jour comme de nuit. Quand je suis partie, la directrice a fait le calcul de nombre d'enfants que j'ai croisés. J'en ai croisé 470. Voilà. On n'est que de passage dans leur vie. Hein. L'histoire, voilà, c'était d'accueillir et de protéger ces enfants et d'observer pour donner une meilleure orientation pour ces enfants et ces familles. Et puis, la vie a fait que, bah voilà, j'ai mes enfants, je travaille en 3-8, je suis fatiguée et puis j'arrive au bout. Parce que les enfants, de plus en plus qu'on accueillait, ce sont plus des primo-arrivants. C'est des enfants qui étaient basculés de foyer en foyer, que bah, la société avait du mal à caser, excusez-moi du terme. Mais non, c'était non, pas terme, pour voilà, ça que notre fonction, elle y était. Et ils étaient de plus en plus jeunes. Et plus ils sont jeunes, moins ils sont saisissables. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'arrive, j'ai fait le tour. Et je me dis un jour, allez, Cassandre, bouge-toi et change. Oui, mais pour aller où? Parce que moi, je sais faire que les profils auxquels j'avais croisé. Je tombe sur cette offre d'emploi qui est un foyer d'accueil médicalisé spécialisé en autisme. Oh, puis je réponds, comme ça, au pifomètre. Ça s'est fait en 3 jours. Je tombe sur un directeur d'établissement qui était directeur d'établissement d'EHPAD, qui avait récupéré une mission qui avait échoué hein, par une association, qui a construit un établissement qui fait partie des 10 plus belles au monde. Voilà, il faut le dire. Avec un architecte, c'est juste... on dirait la maison des Télétobies, avec ce grand chemin, avec un arbre en plein milieu. Et puis, il prend le pari fou. Il prend le pari fou de me prendre, alors que j'y connais rien. Parce que j'y connais rien, hein. Vraiment rien. Avant de prendre ma décision, je lui ai demandé de visiter l'établissement et de croiser les résidents, parce que moi, j'y connais rien. Et le handicap, ça me fait peur. C'est vraiment quelque chose qui me faisait très, très peur. Et là, c'est comme l'autisme. Eh ben, il n'y a pas de demi-mesure. L'autisme, c'est noir ou c'est blanc, mais il n'y a pas de gris. Eh ben, moi, ça a été blanc tout de suite. Un coup de cœur incroyable, mais en 10 secondes. Je crois que je peux pas mieux dire que ça. En 10 secondes, voilà. Qui sont ces personnages si étranges et pourtant un coup de cœur. Et l'autisme, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. Et ben moi, ça fait la même chose. De là, j'ai discuté avec ce directeur auquel j'ai intégré cette équipe qui a eu besoin de se reconstruire. Je refais un petit coucou à Nadine qui m'a donné l'envie vraiment, vraiment, vraiment d'aller me former, parce que on peut avoir n'importe quelle formation d'éducateur ou moniteur éducateur ou d'accompagnement éducatif, ce que vous voulez. Et bien pour accompagner des profils autistiques, et bien il faut aller apprendre. Et donc ce charmant directeur, je le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que il m'a formé, il a payé pour me former, parce que ça coûte un bras. Je suis partie avec EDI Formation sur quelques semaines pour apprendre ce qu'était l'autisme dans sa globalité, et il y avait quelques résidents qui me posaient questions et qui m'ont poussé à aller me former et aller encore plus comprendre. C'est-à-dire que j'ai été ensuite à la fac de médecine de Tours. J'ai passé un diplôme universitaire sur les troubles neurodéveloppementaux. J'ai encore poussé la machine. J'ai un certificat national d'intervenant spécialisé en autisme qui, à l'intérieur, pendant 2 ans, eh bien, on va aller décortiquer c'est quoi l'autisme, tout ce qui est les analyses de troubles du comportemental. Et ça, c'est important, puisque quand on a des petits soucis de comportement, eh bien, il faut qu'on apprenne à les analyser. Et ça se fait pas comme ça en disant, bah, il a fait ça parce que ça. Non. Donc ça, c'est le raccourci qu'on fait beaucoup. Voilà. Il a fait ça parce qu'il voulait pas le faire. Ouais. On va aller chercher un peu plus loin quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est le. Ouais. Et toutes les techniques d'accompagnement, parce que ce sont des vraies techniques. Hein. Alors on peut sortir des packages de noms. Alors Teach, celle qu'on entend le plus actuellement, c'est ABA et la communication par image. De là, ce directeur a pris aussi le pari fou de former les équipes. Parce qu'il nous a fait confiance, parce qu'on a été 2 à aller se former. C'est bien ça, ouais. Et on a été formés de la femme de ménage au directeur sur deux types d'accompagnement particuliers. Vous les rencontrez à tout niveau. Absolument. Donc une femme de ménage, il faut qu'elle sache aussi, c'est pas péjoratif, il n'y a pas de métier de son métier, mais il faut qu'elle sache réagir en cas de... Mais il faut surtout qu'elle comprenne pourquoi il faut pas bouger le livre. Voilà. Ah là là, le livre qui a bougé. Alors là, on en a pour 10 heures, là. Ah, ouais. D'accord. Et nous, on va pas comprendre pourquoi on en a pour 10 heures du trouble du comportement. C'est après, on a compris. Bah, le livre, il avait bougé. Bah oui, le livre, il a bougé. En soi, ça paraît tellement anodin. Tellement anodin. Mais ce qu'on parlait tout à l'heure, dans l'autonomie, il va pouvoir me parler pendant 10 heures de ces dinosaures. Par contre, le livre qui a bougé. D'accord. Il va pas savoir me le dire. Hein. Alors moi, je vais juste faire une aparté parce que je t'observe à travers la glace. Il faut dire, expliquer aux auditeurs, aux auditrices. Vous verrez des photos sur Didienko parce qu'on est, on travaille juste au casque et au micro. On est séparé par une glace et on n'a pas d'audition directe. Tout se fait au casque et au micro. Et moi, depuis tout à l'heure, je suis tout oui et déjà j'ai les yeux grands ouverts parce que je suis émerveillé. Je le dis sincèrement, je suis émerveillé par la passion que tu transmets et par le regard que tu as, que tu fais quand tu parles. Je sais pas si c'est comme quand tu es sur scène avec ton groupe, je viendrai te voir. Mais le fait, puis il faudra venir aussi à Mavrika, qui sait un jour on t'invitera. Mais le fait, je suis toujours enthousiasmé, j'ai toujours un grand plaisir à regarder, à observer mes audits, mes mes invités, quand je peux les avoir, quand ils sont pas au téléphone. Au téléphone, on peut avoir le sourire, on peut sentir un petit peu. Mais là, quand je vois ta profondeur et tes explications, ton sourire, tout ça, je referme la parenthèse, c'est super sympathique. Bah, je crois que je peux leur, c'est à eux. C'est eux qui me transmettent ça, en fait. Bien sûr. Non, mais vraiment, parce que, pour le coup, au premier abord, ils ont pas des visages très souriants. Hein. C'est vrai, ils sont assez... Là, ils ont pas d'humour. Hein. Alors, faites surtout pas d'humour, parce que ils comprennent pas et ça les fait pas rire. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez solaire, en règle générale. Et pourtant, mon côté solaire, ça va à l'opposé de qui ils sont, quand même. D'ailleurs, je suis en train de bronzer. Et voilà, moi, c'est grâce à eux. Je dois avoir un trait autistique, en fait, dans mon intérêt restreint. C'est peut-être l'autisme, j'en sais rien. On a tous plus quelque part un trait autistique, mais et voilà. Et en fait, ils ont fait. C'est pas les formations qu'ont fait ma carrière. Alors, ça en fait partie parce que pour les accompagner, il a fallu que je sois formée. Mais c'est eux, vraiment. Je le redis. Sans eux, j'ai pas été grand chose, en fait. Dans ma carrière, c'est eux qui m'ont formé. Ah bah carrément. Ils sont formateurs. Ah ouais, parce que moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans le FAM, j'ai pas compris. Hein. Je tombe sur Hulk qui n'est pas très content. Mes collègues me disent je pense qu'ils ont voulu me tester. Je pense qu'en moins d'un quart d'heure, on a déchiré 5 t-shirts, quoi. Ah oui. Et le gars, il fait 2 têtes de plus que moi. Je fais, ça va bien se passer. Ouais, parce que t'as des enfants en bas âge, les enfants des petits ou, mais tu as aussi des personnes qui sont un petit peu plus grandes. Alors moi, j'ai commencé donc avec dans ce FAM, hein, qui était avec des adultes de 18 à 60 ans. Pourquoi on dit 60 ans? Parce que c'est la fonction publique. Et qu'à partir de 60 ans, eh bien, ils n'ont plus leur place. On n'est plus autiste, on n'est plus quoi que ce soit, on est retraité, c'est ça? Absolument. Alors, et donc, tu vas en EHPAD. Ah, d'accord. Ah, c'est pas la même donne. Ouais, et puis là, je veux dire, en EHPAD, j'ai rien contre les EHPAD. Et puis, force et courage à eux et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais ils sont pas formés, surtout. Ouais, surtout ça, ils sont pas formés. Et puis, on va plus leur apprendre grand chose à 60 ans. Malheureusement, on va maintenir les acquis et on va. Il n'y a pas de centre qui accueille après ces âges-là. Alors, si, parce que c'est privé, c'est la Convention 66, hein, on va pas se mentir. C'est ceux qui ont le monopole. Dans tous les départements, c'est l'ADAPI. Voilà. Il existe... je rigole parce que je sais que la maman de Zoé m'écoute et aurait rêvé que je fasse ce genre de choses, mais il existe des petites maisons qui s'appellent des maisons TED. Alors l'autisme, TSA, il a eu plusieurs noms. Hein. Il a eu Asperger, il a eu tous les noms que vous voulez. Et entre TED, trouble envahissant du développement... Et il y a quelques années, il y a des toutes petites, des petits établissements qui sont des toutes petites maisons qui accueillent, qui ont très peu de place, hein, 2, 3, 4 grand maximum. Et c'est ce qu'on appelle des maisons TED. Voilà, il existe aussi dans les établissements, et je prône pour ça, des sessions ou des services qui sont des services TED, c'est-à-dire qu'on accueille ces profils atypiques. Qui ne peuvent pas être dans une collectivité parce que leurs troubles sont trop compliqués, parce que je ne comprends pas si tu t'adresses à moi ou à lui. Voilà. Et comme je comprends pas, ben je vais t'en mettre une. Oh. Ah bah c'est assez efficace sur le sujet. Et tu m'as fait peur, là. Parce qu'elle avait l'air vraiment. Bah ouais, hein, c'est ça. Heureusement qu'il y a une glace entre nous, on fait hyper gaffe à ce qu'on dit des fois parce que on dit un truc et en fait on comprend pas pourquoi on s'est fait tirer les cheveux ou on s'est fait prendre une claque. On n'a pas compris pourquoi et en fait parce que la personne à côté n'a pas compris que le nom n'était pas pour lui. Voilà, ça peut arriver. C'est les troubles du langage spécifiques au TSA. Et voilà, c'est des profils un peu atypiques qu'on aurait besoin d'être dans des petites aides, dans des petits milieux où il y a peu de bruit, peu de mouvement, et pourtant on peut faire... Des trucs couconnés, quoi. Enfin, tout à fait. Ouais, et qu'on va travailler dans le sensoriel, choses... Ça, la problématique, pour moi, ça devrait pas être un problème, ça devrait être une des solutions. Mais voilà, il faut encadrer, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. C'est vrai que l'argent... On en a pour faire des choses qui sont horribles. C'est ça. Par contre, on n'a pas pas assez d'argent ou les moyens ne sont pas bien distribués pour. C'est ça. On va pas donner de conseils à nos politiques. Non. On n'est pas là pour ça. Mais bon, voilà. Quoi, si on peut passer le mot, n'oubliez pas les personnes handicapées. C'est n'oubliez ça. Pas ces centres spécialisés et les gens qui y travaillent, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que en effet, hein, ça coûte très très cher. Donc voilà, moi j'ai pendant 8 ans j'ai été me former. J'ai été me former pour mieux accompagner ces adultes, pour essayer de surtout comprendre ce qu'ils voyaient, comment ils entendaient, comment ils vivaient le monde. Je crois que le titre, tout à l'heure, le dit très très bien, le monde va trop vite. En gros, c'est comme si vous alliez à l'étranger et qu'on vous parlait dans la langue étrangère. Tu patauges parce que tu comprends rien ce qu'il te raconte. C'est ni plus ni moins ça. Et ensuite, depuis 2 ans, j'ai basculé dans le milieu avec des profils enfants. D'accord. Voilà, pour l'instant, des 10-14. C'est déjà pas mal. Où il y a une autre problématique, hein, parce qu'au-delà de l'autisme et de tout ce qui va autour, hein, parce qu'on parle d'autisme, mais on en reparlera dans l'autre question, dans une question. On a aussi la problématique de l'adolescent qui existe réellement dans le corps et tout ce qui va avec. Hein, l'adolescent qui n'est pas content, même si sa construction, elle n'est pas faite comme nous, et pourtant ça existe. Mélangé avec l'autisme, les journées peuvent être un peu longues. C'est un gros cocktail, là. Ouais, le cocktail est pas mal. Comment dirais-je? Alors, quel moment il est rentré dans ma vie? Je te dis, C'est bien parce qu'elle lit les questions au fur et à mesure. J'ai bien senti que tu sais. Bon, tu sais pas, je vais aller boire un petit peu d'eau, là, puis je reviens dans 5 minutes, hein. Voilà. En tout cas, il est rentré, ça va faire même pas 10 ans. Ça fait pas 10 ans, mais ça faisait comme si c'était très très court parce qu'on en apprend tous les jours. Et j'étais pas vouée du tout à accompagner des profils autistiques. Hein. Vraiment, Okay. Pour rappeler aux auditeurs, aux auditrices, hein, c'est Cassandre à 14h56, Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, Didier au micro et Cassandre de l'autre côté de la ville. Elle nous parle de l'autisme, de sa connaissance et compétences à travers cette problématique neurologique, on va dire. Oui. Et pour travailler, on travaille quand même parce qu'il faut avoir un fil conducteur. Oui. Donc je fais pas ça comme ça. Je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas infusé par la science. Donc effectivement, j'ai travaillé un petit questionnaire que je lui ai soumis avant de venir, qu'elle a pu voir le changer quelques questions pour la préparer aussi, parce que je prends pas les gens en traître. Et voilà. Et là, elle a la possibilité. Donc je lui envoie les questions par SMS. Non, elle a directement un écran et elle voit un petit peu mes questions et le fait. Voilà, c'est un guide, on triche pas, c'est de la radio, mais comme on fait des émissions qui sont construites et à chaque fois je change d'émission, donc je suis bien obligé je connais pas tout dans ce monde et je suis bien obligé de préparer mes questions et que ça soit construit pour faire des choses qui se tiennent. Donc c'est pour ça qu'elle répond des fois aux questions avant que je le lui pose. Voilà. Mais j'ai fait le fil conducteur. Ouais, bien sûr. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'enlever l'écran comme ça. La plus grande difficulté que tu peux avoir par rapport à l'autisme. Alors toi, en tant que spécialiste, et toi en tant que personne. Je crois que les deux sont liés. Parce que quand on travaille avec, je le redis, hein, toutes nos formations, notre savoir, mais on travaille avec qui on est nous aussi, hein, l'humain qu'on est et nos sensibilités et tout ça. Moi, je peux être quelqu'un très patiente et en même temps très impulsif. Hein, ça peut être les deux. Je peux être le yin et le yang. Je le redis, j'ai pas de gris. Je dois être autiste. Vraiment, je vais me poser la question à la fin de l'émission. Et l'une des plus grandes difficultés, c'est d'arriver à désamorcer, avant que ce soit un peu trop tard, les troubles du comportement. Ça, c'est mon quotidien. Alors, on n'a pas que des troubles du comportement, messieurs, dames. Hein, vraiment, on passe aussi des très, très, très, très bons moments. Oui, mais quand ça explose, quand ça explose. Bien sûr, il faut y être prêt à n'importe quel moment, je pense. Et puis, c'est ce qu'on appelle faire le caméléon, c'est-à-dire d'essayer de rebondir tout de suite, de se mettre en alerte. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui... un intérimaire avec qui j'ai travaillé très très longtemps et qui me disait, alors moi j'adore travailler avec toi, avec Cassandre, parce que tu marches toujours sur le fil, hein, tout le temps. T'es toujours le long du fil, mais tu ne bascules jamais de l'autre côté de la ligne. D'accord, jamais. C'est très bien, ça. C'est vrai. J'ai évité parce que je pense que mon corps aurait subi. La plus grande difficulté, c'est vraiment de désamorcer tout ça parce que. C'est des bombes, des fois. Ça peut les mettre en insécurité. Ça un peut danger nous mettre. Physique aussi. Ouais. Alors, très physique. Parce que, je le redis, moi, je travaillais avec des enfants ou des adultes qui avaient ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire que tu peux avoir une otite et une angine en même temps. Hein? Bien sûr, tu peux être autiste avec une déficience intellectuelle, tu peux être autiste avec un trouble de l'hyperactivité, c'est lequel que je vais aller travailler et c'est lequel qui m'enquiquine. C'est aussi ça qu'il faut qu'on voie, parce qu'en effet, l'autisme, il y en a qu'un, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a les bases, c'est-à-dire les premières lignes et tout ce qui va aller autour. D'accord. Vraiment. Celui qui a seules les interactions sociales, bon, bah, on peut les voir. T'es pas autistique, tu peux répondre. Hein. Mais voilà, la plus grande difficulté, c'est celle-ci, c'est de pouvoir vérifier et d'être en alerte sur des petits signes qui vont nous dire que là, il va falloir qu'on recule d'un pas ou qu'on essaye de désamorcer. Alors, soit avec le sourire, parce que je leur ai dit, c'est ce qui fait moi. Je suis quelqu'un d'assez solaire. Donc, je vais dire, c'est pas grave, ça va aller. Non, ça va pas aller. Dans ma tête, c'est pas vrai. Je sais que ça va être compliqué. J'ai des situations où, en effet, je vois pas la situation et je vois ma collègue qui se fait vraiment mordre. Vraiment. Et en fait, elle essaye de désamorcer et je vois pas ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est les plus grosses difficultés parce que, en fait, on a des codes entre nous. Mais elle a pas voulu mettre en alerte. Elle a pas... Et en fait, le souffle s'est coupé et elle n'a pas alerté, en fait. Et du coup, on se retrouve dans un mal physique, vraiment, pour le coup. Mais c'est ça, les plus grosses difficultés, c'est d'être toujours sur ce fil et d'être en alerte. Alors quand ça se passe bien et qu'on arrive à bifurquer, hop, on prend 15 000 fois le rond-point, la route à droite, la route à gauche dans le cerveau. Voilà, on bifurque, on fait oublier un peu la chose. Croyez-moi qu'ils n'oublient pas. Hein. On se dit, oui, mais on verra après. Hein, mais le après, eux, ils savent, hein, ils se rappellent. Donc voilà, ça, c'est l'une des plus grosses difficultés. Voilà, vraiment. Alors, moi, je ne veux pas donner mon savoir tout le temps, mais je sais que bon, j'ai travaillé plusieurs années en ambulance. Je t'en ai parlé un petit peu. Donc, je faisais et de l'ambulance et du VSL. Et ma plus grosse appréhension, c'était dans les tout débuts, c'était de transporter des enfants autistes, soit de leur foyer à chez eux. Là, ça allait à peu près. Mais quand c'était le déchirement de la maison pour retourner au centre, il y avait un cap qui n'était pas facile. Et voilà, c'était souvent en VSL. Donc VSL, on est dans un véhicule sanitaire léger, on est tout seul, on conduit, on a la personne qui est derrière. Enfin, pour des enfants, on les mettait derrière. Quand c'est les grandes personnes, de temps en temps, suivant le niveau, j'arrivais à les mettre devant. Et sinon, je préférais qu'ils soient derrière. Mais voilà, il fallait toujours avoir un œil devant pour conduire et un œil derrière pour voir ce qui se passait. Et je me suis fait... deux fois, je ne vais pas dire agressé, parce que pour lui, ce n'était pas de l'agression. Mais ouais, les cheveux, j'ai donné sur un enfant que j'adorais. Enfin, j'adore toujours, je ne sais plus s'il est de ce monde ou pas. Mais voilà, que j'adorais aller chercher, avec qui ça se passait jamais mal, au contraire. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, en l'attachant, enfin en le mettant à la voiture, là, il m'a attrapé. Et là, j'ai appelé maman. Parce qu'il ne me lâchait plus. Et heureusement que sa mère était là et ça m'a bien aidé. Mais mon cuir chevelu s'en souvient. Voilà, tout à fait. Et au contraire, quelles sont les forces et les richesses liées à l'autisme? Après, ils sont comme ils sont. Je pense qu'il faut les prendre comme ils sont avec leurs forces. Ce sont des radars ambulants, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une pièce, ils vont les scanner bien plus que nous, on leur a scanné. ils sont hyper stratèges. J'adore ça. Des fois, j'essaie d'avoir un coup d'avance, mais j'y arrive pas. Dans l'autisme, si tu leur donnes la photo d'une salle de classe, tu leur demandes, tu peux me dire ce qu'il y a sur la photo? Ils vont te répondre qu'il y a une chaise, qu'il y a une table, qu'il y a un tableau, il y a des craies. À aucun moment, ils vont te dire que c'est une salle de classe. La même pour la forêt, hein, ils vont dire qu'il y a tel arbre, du machin, du truc, du bidule, il y a un chemin. À aucun moment donné, ils vont te sortir le mot général de la forêt. Et ça, c'est ce qui fait leur force. Leur force, c'est de décrire. Et ils scannent, j'appelle ça scanner, c'est-à-dire que leur regard, en un quart de seconde, j'en rigole parce que... Oui, ça fait partie des facultés. Voilà, Morgane, il rentrait dans cette pièce, on pourrait lui dire tout ce que vous comptez comme discours. De toute façon, il n'en avait rien à fiche du sujet, en fait. Et en fait, il était en train de scanner ce qu'il allait pouvoir nous piquer, quoi. D'accord. Et en fait, il va les nous. Ils sont kleptomanes aussi. Ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres pathologies. Entre autres, je sais que la maman me donne le feu vert. Morgane, c'est un de mes coups de cœur. Ça a été un de mes coups de cœur. Et en effet, sa pathologie, c'était ça. Il y avait certainement bien d'autres choses auxquelles nous, on n'a pas réussi à trouver. Et donc, kleptomane, il arrivait à nous piquer nos lunettes sur le nez. Sans qu'on même on s'en aperçoit. Non, mais c'est un truc de dingue. Et en fait, il allait les jeter. Alors, soit sur les toits, ou soit dans la mare. On avait une mare qui était sécurisée. Donc, souvent, on lui dit, vendredi, Morgane, on va à la pêche. Ah, bah, on était riches à la pêche. Un jour, le papa me dit, excusez-moi, mais vous auriez pas retrouvé des clés de maison parce qu'en fait, il est rentré ce week-end. Et en fait, j'ai laissé 30 secondes et 30 secondes, j'ai perdu mes clés de maison. Mmh. Ah oui. Ah ouais, il a réussi à nous balancer, à nous dire ce qu'il faisait 2 mètres. 2 mètres de hauteur. Genre, on va pas le voir le piquer quand même. Alors, ça, ça fout. Oui, c'est ils en font un jeu, en fait. Non, je pense que c'était au-delà de ça. C'était impulsif. Voilà, le sapin de Noël. Un jour, j'arrive dans la cuisine. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, il n'y a plus de micro-ondes. Comment ça, il n'y a plus de micro-ondes? Depuis quand on n'a plus de micro-ondes? Ils se disent, c'est quoi hier avec le micro-ondes? Bon, bah non, c'est pas qu'on n'avait plus de micro-ondes. C'est que Morgane a eu une fixette sur le micro-ondes et vous avez piqué le micro-ondes, quoi. D'accord. Ah, c'était... Ça... Ah, vous jouez à chasse au trésor, faut prendre ça avec le sourire. Oui, vraiment. Voilà, ouais, c'est sûr. Après, et voilà, c'est ce scan fin qu'ils ont, vraiment. Ils ont des coups d'avance 3 fois avant nous, quoi. Ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux aussi, ouais. Ouais. Je parle des choses simples, mais une paire de ciseaux, un coup de papier. Mais ils n'ont pas la notion du danger, hein, de toute façon. Donc, oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. On peut traverser la route parce qu'ils ont décidé d'aller regarder dans le feu vert. Ouais. Ouais, c'est un vrai exemple. Hein. Voilà, tu nous en cites pas mal, mais dans les questions que tu vois défiler, j'avais préparé. Cassandre, est-ce que tu as un moment marquant que tu aimerais partager avec nous, avec les auditeurs, puis avec moi? J'en ai plein. Alors, entre autres avec la Duke, parce que actuellement, j'ai plus d'expansion. Il te reste une heure, hein, à peu près. Ouais. Hein. Celui-là, il était mémorable. Il y en a plusieurs, en effet, je le redis, hein, je travaillais plus avec les adultes actuellement qu'avec les enfants. Hein. Pour l'instant, c'est encore une découverte, 2 ans chez les enfants, c'est assez court. Mais chez les adultes, on prend à Paris Fou, qui était la sortie annuelle. Et mes collègues me disent « Allez, Cassandre, t'es dynamique, qu'est-ce qu'on propose ?» Donc on dit « Bah ok, pas de souci, qu'est-ce qu'on va proposer ?» Et ben, si on allait faire un grand parc d'attractions. Alors, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais plus ou moins. Peu importe. Ouais, ouais, allez, voilà. Celui-là, parce que lui, il n'était pas prêt, en fait. Hein. D'ailleurs, je pense que ça leur a servi de leçon. Il était du côté de Marne-la-Vallée, par là. Ouais, celui qui a avec des grandes oreilles, là, avec la souris, là, si tout le monde voit bien. Voilà. Et en fait, on prodigue le handicap, sauf que je pense qu'on voit le handicap physique, mais pas celui-là. Et là, on n'était pas prêt parce que en fait on dit mais qui est-ce qu'on emmène, parce qu'à un moment donné on peut pas sortir tout le monde. Il faut sélectionner. Oui. Faut sélectionner, puis certaines pathologies vont nous faire que ça va nous mettre dans le mal. Hein. Bien sûr, oui. Et mes collègues ont dit non, ils partent tous. Ok, on monte le projet. Je dis que il faut des bras, beaucoup de bras. Et oui. Parce qu'il y a des profils où il va falloir qu'on soit 2. Pour un seul adulte, hein, vraiment, parce qu'on va pas avoir le choix, parce que ça peut bien se passer comme ça peut pas bien se passer du tout. Nous voilà partis et on sortait tout juste du Covid. D'accord. Alors ça, c'est intéressant aussi de vérifier le Covid, parce qu'il faudra qu'on fasse une petite aparté, parce que ça a été très très compliqué cette période-là. Parce que les gens qui ont des stéréotypies et qui attendent maman le vendredi... D'accord, on va faire un aparté juste après. Hein, On part et il nous fallait des passes sanitaires. Donc jusqu'ici, tout va bien. Je vous défie d'aller faire des tests Covid à des traits autistiques et avec d'autres traits aussi. Donc ma foi, on a tous nos passes sanitaires. Bon, ça commence mal. Un pass sanitaire ne passe pas. Bon, ok. Donc forcément... Pas la personne la plus simple au monde à approcher dans le soin, tant qu'à faire. On arrive, je cours, je vais chercher les places, les passes handicap. Bien sûr. Voilà, sauf que là, il me demande de tout refaire. Je lui dis, vous déconnez ou quoi? J'ai fait ça il y a 48 heures. J'ai 20 résidents qui savent pas ce que c'est la patience, donc là, ça va être compliqué, quoi. Bon, j'en ai pour 25 minutes, enfin, un calvaire, quoi. Il y a un moment donné, il y a un mec super sympa qui dit, c'est bon, tu peux pas lui lâcher et arrêter de vérifier tous tes chiffres, et nous voilà parti. Donc, c'est-à-dire qu'on part avec 20 autistes dans un parc d'attractions, auxquels ils sont censés pouvoir accueillir du handicap, mais pas celui-là. Et là, quand il n'y a pas de filtre, il n'y en a pas. On va faire une première attraction. Donc, on s'est tous séparés. Voilà. En pensant que les résidents allaient passer une bonne journée, parce qu'on s'est dit, il y a de la musique, donc on a un profil qui adore la musique. Et raté. Voilà. Elle se roule par terre parce qu'elle entend les tambours qui arrivent à fond de balle. On s'y attendait pas. Et mes collègues me disent, écoute, Cassandre, on est resté au self. Au truc pour manger, quoi, toute la journée. Ouais. Super, sympa la journée. Moi, j'avais des profils très atypiques, dont un qui ne réalisait pas et qui ne supportait pas ni ses chaussures ni ses vêtements. Le challenge était grand. Gentiment, nous sommes au mois de décembre, gentiment, cet adulte accepte de tenir ses vêtements, mais ne tient pas ses chaussures. Donc, j'avais anticipé pour en mettre des chaussettes sombres. Comme ça, les gens ne voyaient pas. Mais comme quoi, on se retrouve quand même dans un parc d'attractions en chaussettes, quand même. Hein. Ouais, c'est... enfin, ceci dit, il a kiffé sa journée, hein, vraiment. Et puis, on a un autre profil, voilà, qui, je le redis, hein, Morgane a été un coup de cœur, qui, alors au départ, est très open. Hein, tout va bien pour l'oral. Là, tous les jours, ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont machins. Et là, ça vire. Il y a quelque chose qui se passe. On va dans une attraction où il y a un robot. Et on essaye d'amener les choses un peu sympathiquement. Et en fait, le robot, il en prend un peu pour son grade verbalement. Hein. Je dirais pas les termes qu'il lui a dit. Non, on n'est pas obligé. Il lui a demandé de se taire au robot, voilà. Bon, on le met dans l'attraction parce que de toute façon, on est arrivé, on n'a plus le choix. Hein. De toute façon, on n'arrive pas à faire demi-tour. Il hurle dans l'attraction. Mais quand je dis il hurle, et moi, j'avais mal de cœur. J'avais mon ancien directeur qui était là pour nous accompagner. Il dit, ça va le faire, ça va pas le faire du tout. Il sort, il me dit, ah, c'était trop bien. Ok. Et puis on va manger, on perd un résident parce que c'est celui qui ne réalise pas et qui par l'odeur et des allées venues des gens, ça fait, c'est énorme, hein, vraiment on se rend pas compte des parcs, on le perd. Ouais, c'est pas et on le perd à l'endroit où il y a je sais pas combien de monde, des gens qui mangent quoi en fait. Et là on le trouve pas. Ah la blague du jour quoi. Et heureusement qu'on avait fait des t-shirts, je suis autiste, je parle pas. Bon, il y a une collègue qui nous appelle en disant « Il est tout en haut !» Ah bah oui, il est à nous. Donc là, on a dit « Oh là, ça va être... » On est que midi, hein. On est que midi. Ouais, ouais. La journée va être très longue. Et puis, moi, mon petit groupe, on décide un petit peu de se séparer parce que c'est un peu long pour mon petit résident, là. Et là, on voit qu'ils n'ont pas de filtre et que le handicap ne se voit pas. Ils rencontrent les personnages. Sauf qu'effectivement, nous avons beau apprendre que dans les commerces, il faut faire la queue pour payer à la caisse. C'est pas la même donne. Et donc, il va voir Gepetto, qu'il a adoré. Il lui a fait un grand câlin. Moi aussi, d'ailleurs, au passage. Il passe tout le monde. Il passe tous les enfants. Il passe tout le monde. Hein. Et là, on voit bien que les gens, ils sont programmés en disant l'agent de sécurité qui nous dit « Veuillez ne pas toucher les personnages. Veuillez ne pas... » Je sais. Alors, je vais leur expliquer. Toi, tu peux mais pas. Comment tu peux leur expliquer? Enfin, pourtant, j'ai beau leur expliquer, hein, mais c'est compliqué. Et en fait... Il n'y a pas de formation à ce niveau-là chez ce personnel-là. Eh ben, je pense que cette enseigne s'en rappellera toute sa vie, hein, puisque de toute façon, je pense qu'ils l'ont appris à ses dépens. Bon, on s'est fait un peu plaquer au sol, hein, on a fait un peu. D'accord. Voilà, donc j'ai dit merci, hein, voilà. Et là, on se retourne. Et là, je vous le mets en plein mille. La reine de cœur qui était derrière. Deuxième tour. Vous avez dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de filtre, hein. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de queue, il n'y a rien. Et les gens, les personnels, ils sont pas, on a beau leur dire, quoi. Ils sont pas formés, ils sont pas, Et puis moi, j'essaye de le retenir en arrière en disant, allez, viens, viens. Enfin, j'essaye de trouver une astuce. On va aller chercher le carrosse de la princesse. Enfin, tout est inimaginable. Et il a décrété que non, en fait. Et il a décrété que non. Et là, moi, je me retrouve dans une situation où, on va se faire plaquer deux fois, hein. On y retourne. Tu aimes le rugby, toi, non? C'est ça, ouais, je suis habituée à force. Et là, on va faire Pirates des Caraïbes. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est stop, là. Là, j'ai ma dose, la journée, elle est trop longue, ça va, quoi. Sauf qu'il faut qu'on reste jusqu'à la parade nocturne. Et là, on se dit que on a été fous. On a été fous de faire ça, vraiment. Vraiment. Belle expérience. Ah, ouais, mais dis donc, physiquement... moralement, même si on était parfois du deux, enfin voilà, je revois mes collègues. Maintenant, t'en souris. Je vais te dire pourquoi j'en souris. Je vais te dire pourquoi. On va faire Pirates des Caraïbes. J'ai dit, allez, c'est bon, allez, hop, on va aller faire une descente. Hein, ça va vous remettre à l'endroit. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Il faisait froid, j'en pouvais plus. Ma foi, on fait une descente d'enfer. Et je crois que ça remet un peu les neurones en place. Hein, l'expression, c'est ce qu'on dit nous un peu dans notre quotidien. Et là, en fait, il est 17h30. Ouais, on est là depuis 10 heures. Hein. Et en fait, ça y est, on commence notre journée à 17h30. Et notre jeune garçon qui avait quitté ses chaussures, je crois qu'il réclame ses chaussures parce qu'il a compris qu'il faisait un peu froid. Donc on lui remet ses chaussures. Peut-être. Ah non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Il fait 20. Ça. J'ai calculé combien de kilomètres il faisait à pied par jour, nu-pied. D'accord. Ah non. Et puis, la nuit tombe. Et on se réunit tous, hein, parce qu'on était tous dispatchés dans le parc. Je pense que les autres collègues ont eu aussi des expériences. Bien sûr. C'est... Ils en pouvaient plus. On s'est dit, on est vraiment des tarés d'avoir fait ça. Et arrive la parade. Et là, je crois que c'est le moment le plus magique. Et je sais que Axel, Nadine, tous ceux qui ont passé ce moment se souviendront de ce moment parce que on a mal partout. On a froid, on est fatigué et physiquement on a mal partout parce qu'on tient. Hein. On tient à bout de bras. Hein. Et là, on voit le regard de certains résidents, dont Morgane, qui là s'illumine devant la fée Clochette. Mais alors, s'illumine, quoi. Merci, la fée Clochette. Ah, la fée Clochette, je la remercie. Oh là là, puis il me disait, oh, regarde Cassandre, il y a la fée Clochette, il y a la fée. Ce regard, je pourrais même pas le décrire. Vraiment, tellement il était magique. Et on remonte dans le bus, je croise d'autres résidents en leur demandant, c'était bien. Alors, je vois la tronche de mes collègues qui disent, ah, la journée, c'est bon, on fera pas deux fois. Et eux qui nous disent, ouais, c'était trop bien les manèges. Et elle en a pas fait un seul. Ouais. Et elle en a pas fait un seul. Ah, d'accord. Et en fait, son sourire, à parler d'elle-même. Mmh. En fait, on n'a pas les mêmes attentes. Oui, on s'est dit, on va les emmener au parc sur le truc qu'ils connaissent. Enfin, voilà. Et en fait, on voit bien qu'ils sont différents que nous. Mmh. Et que les attentes, c'est pas les mêmes. Bien sûr. Bah, écoute, merci de cette, de ce passage. Moi, j'y étais. Hein, je le connais, ce parc. et effectivement, j'imagine un petit peu, enfin, je ne peux qu'imaginer la torture, la joie quelque part, ouais. Et puis la torture, ça va être, et puis une très bonne école pour apprendre à gérer un petit peu tous ces moments-là. Ouais. Mais voilà, donc, mesdames, messieurs, les éducateurs et les personnes, si un jour vous avez l'idée d'aller dans un de ces parcs, prenez vos précautions. C'est le message prenez qu'on votre peut passer. Patience, prenez votre patience. Voilà. Et ben, écoute, moi, je vais t'envoyer un petit peu de bien-être, je vais t'envoyer un petit peu en son et en silence avec ces messieurs Simon and Garfunkel. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Who said I do not know? Like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echo the will of silence. Flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sound Eh bien, voilà, à 15h19, 15h20 bientôt, toujours avec Cassandre, nous parlons de l'autisme. Elle nous raconte un petit peu son voyage un petit peu plus ou moins agréable dans un grand centre, dans un grand parc du côté de Marne-la-Vallée. Voilà, on salue les grandes oreilles derrière. Hein. Et elle nous a raconté ça avec passion. C'était assez marrant à voir. Il faudra un jour que je mette une caméra pour filmer les invités. C'est bien sympa. Alors, on va parler maintenant un petit peu de la vie au quotidien, société. Comment ça se passe? Alors, on pourrait voir tourner ça en question pour des parents. Mais toi, c'est plutôt un travail. Comment on voit ça au niveau de l'école ou au travail par rapport à... Alors là, je parle de l'école, donc c'est des enfants. Mais je parle pour des adultes. Ça pourrait aussi être un travail dans le centre, tout ça. Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu peux nous éclairer nos chandelles? Alors ça, c'est pas trop mon domaine, parce que l'inclusion scolaire et au travail, j'en ai très peu fait, pour la simple et bonne question, parce que je le redis, j'ai accompagné des profils autistiques avec des comorbidités, c'est-à-dire qu'ils avaient quelque chose en plus. Je leur dis, hein, troubles de l'hyperactivité, déficience intellectuelle, on peut donner plein de mots savants, hein, si on veut, mais en tout cas, ce qui ne leur permettait pas d'aller dans une inclusion scolaire et travail classique. Je sais que ça se fait de plus en plus, puisque on parle de droit commun. C'est-à-dire que au maximum, ils ont ce qu'on appelle un droit commun et ils ont accès à la scolarité au milieu du travail. Bien sûr, il faut que ce soit respecté et que leur rythme soit respecté. Alors, en classe, je sais qu'ils ont beaucoup d'AVS, voilà, des gens qui les accompagnent. Alors, pas forcément formés. Voilà. Il faut aussi que les instituteurs acceptent les outils mis à côté. Je sais que c'est pas toujours évident. Je bouge, mais ça me fait penser quand on parle d'outillage, on parle de chaises ballon, parce qu'ils ont besoin parfois peut-être de bouger, de claustra, parce que je leur redis, ils ont des hyper ou des hyposensibilités, donc d'être avec trop de monde à un moment donné, c'est pas possible. Donc on amène ce qu'on appelle, avant on faisait ça avec des livres pour pas que le copain il copie. Bon bah voilà, on leur met des livres pour que le copain il copie, c'est ni plus ni moins pour que j'arrive à me recentrer. Des élastiques aux chaises, beaucoup. Ouais, alors sur les pieds de chaise, on tend des gros élastiques, des très très gros élastiques, pour que leurs pieds puissent bouger. D'accord. En fait, ça évite le balancement comme ça. Voilà, je le redis, c'est pour. C'est des astuces, alors. C'est oui, des... oui. Ouais, c'est... les lunettes de soleil. Les institutions sont, les écoles sont bourrées de néons. Les lumières. Ah, les fameuses lumières. Les fameuses lumières à néon. Ouais. Alors, c'est trop compliqué. Alors, la lumière, il va falloir qu'ils acceptent. Et pour accepter, il faut que l'instituteur, en tout cas l'académie, l'inspection académique, accepte que ces enfants aient des lunettes de soleil. Mais oui, mais il faut qu'on arrive à expliquer aussi aux autres pourquoi lui, aujourd'hui, il a le droit à ses lunettes de soleil et pas toi. Ça, surtout à des enfants, et c'est ça. Un adulte, on arrive encore à pouvoir lui expliquer, ouais. Mais un enfant par rapport à un autre enfant, la perception de l'handicap, perception pourquoi elle est comme ça et toutes les questions qui peuvent se poser, et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi pas si, et pourquoi pas ça, c'est vrai ça. Que c'est délicat. Des casques anti-bruit, par exemple. Et il y a un autre problème auquel on peut se confronter, alors qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale, parce que c'est de la périscolaire, tout ce qui est restauration. Eh oui, pour l'instant, ça paraît tellement simple d'aller manger à la cantine scolaire. Tellement simple. Mais un profil autistique, lui, ça va être compliqué. Hein. Parce que, un, on va développer tous les sens. Il va avoir du bruit avec les fourchettes, par exemple. Le camarade qui va me toucher. Oh là là, il m'a touché. L'agressivité. Puis alors, la proximité, ça reste compliqué, hein, même si c'est travaillé. Mais à la cantine, on fait pas gaffe, ça va vite, voilà. Le bruit, à la rigueur, on peut y mettre un casque. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le trouble alimentaire. Et ça... Excuse-moi, ils sont agoraphobie. Enfin, il y a beaucoup d'agoraphobie, il y a beaucoup de peur de la foule, non? C'est pas... Alors, je le redis, hein, oui et non, parce que l'autre n'existe... Alors, il existe, hein, mais que pour son intérêt. En gros, c'est ça. C'est si je viens te voir et que je te fais un câlin, c'est pas parce que je t'aime beaucoup. C'est certainement que t'as quelque chose à me demander. Ça m'est arrivé encore il y a pas très longtemps. J'ai dit, oh super, Serge, un gros câlin. J'avais bien compris que c'était pas pour mes beaux yeux ou que j'avais changé de parfum. C'est que certainement, vous voulez me demander quelque chose après. En fait, c'était ni plus ni moins pour aller pousser à la balançoire, auquel cas j'avais dit non juste avant. D'accord. Voilà. Mais c'est pas l'agoraphobie en soi, c'est le mouvement des gens. Ça va vite. Oui, c'est ce que disait la chanson. La chanson, elle le dit, elle décrit hyper bien. Le monde va trop vite. Et puis ça fait du bruit. Et puis ils vont me toucher. Oh là là, le toucher. Oh yeah yeah, il y a la proximité des gens. C'est délicat. Ouais. En vrai, une façon d'approcher. Il y a une approche et il y a et puis. Ouais. Et du coup, je sais que dans les écoles, ils se retrouvent un petit peu coincés en effet sur la restauration, parce qu'il faut accepter que ces enfants amènent leur plateau repas. Et qui dit plateau de repas dit normes d'hygiène, blablabla, blablabla, blablabla, bla, bla, et ça, le blablabla, bla, bla, c'est un peu fatigant. C'est des longs parcours pour ces familles. Ça faudra peut-être que dans nos institutions, je pense qu'ils y pensent, mais voilà, il y a des gros efforts. Hein. On le voit au niveau de tous les handicaps qu'il peut y avoir. Hein. Absolument. Mais là, c'est vrai que. Quand on est tous les jours comme ça, on n'y prend pas cas. Non, on fait pas attention. Mais c'est vrai que là, en le mettant là sur derrière un micro, en parlant, c'est vrai que voilà, on comprend un petit peu mieux. Alors là, j'ai pas dit qu'on l'acceptait, hein, mais on comprend un petit peu mieux la problématique. Et c'est vrai que quand on n'est pas sujet à ça, on passe outre. Mais là, ouais, c'est vrai que ça peut être problématique. Et pour les parents. Pour les Absolument. Accompagnants et pour les gens qui sont pour l'éducation nationale. Alors ça, c'est la partie éducation nationale, hein, voilà. Après, je sais qu'il existe, et je le redis, hein, c'est pas mon domaine, mais ce qu'on appelle des... Alors, unité d'enseignement spécialisé, UEE, ce sont des classes qui sont internes dans les classes. C'est-à-dire que dans les écoles primaires... Et collège, parce que ça existe aussi chez les maternelles. Là, ce sont des vrais éducateurs qui vont accompagner quelques enfants. C'est un tout petit groupe. À l'intérieur d'une classe. Ouais. D'accord. Alors, ils ont des. Oui, il y a en effet le collège de Briard accueille un enfant à trait autistique. Absolument. Mais d'ailleurs, dans Merci, les. Merci, Roliane. C'est notre petite assistante qui est à côté, qui est très sage, hein, avec le casque, qui me regarde. Depuis tout à l'heure, c'est un des enfants à Cassandre. Et du coup, dans les collèges, on peut aussi trouver, parce que je le vois, des profils trisomie 21. Oui. Ah oui, dans les apprentissages, hein, ils ont le droit commun. Hein. Mais bien sûr. Alors, ce ne sera pas des ingénieurs, mais ceci dit, ils ont ce qu'on appelle la relation à l'autre, et c'est parfois ce qui est le plus important. Être dans la sociabilisation, d'avoir les bons codes. C'est-à-dire que bah, je vais aller à la cantine, je vais pas manger avec mes mains quand même. Bon, je dis, on peut les déranger, mais... Enfin voilà, on apprend à manger avec des couverts parce que... Moi non plus, ça me dérange pas. Non, mais en fait, notre société nous demande... On n'est pas dans ce format-là, on n'est pas dans ce tiroir. Quand vous allez dans d'autres enseignes de restauration rapide et qu'on vous fournit pas les couverts, hein, et qu'on a appris à ses enfants de manger avec ses couverts... Eh ben c'est compliqué parce que on leur a appris de manger avec des couverts et maintenant pendant... tu prends tes doigts, tu prends comme ouais, on dit non, les mais là ça Seigneur. Commence à bien faire, je les comprends en même temps, hein. Et dans le domaine du travail, il existe des ateliers protégés, ESAT, des choses comme ça. Alors après, dans le monde classique, hein, je le redis bien, hein, qu'est-ce qu'est la norme, il y en a peut-être pas, mais on va quand même trouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs ont une obligation, en fonction de leur nombre d'employés, d'avoir un minimum, il y a un minima, enfin, je veux dire, de personnes. Après, au détour de la loi, c'est suivant la société, l'établissement, comment il est équipé, et suivant, tu vas pas aller mettre une personne largement handicapée dans certaines choses, dans une série, par exemple, où il y a des trucs dangereux. Oui. Mais enfin voilà, c'est quand même. Alors il y a quelqu'un, un éducateur technique qui n'est plus là où je travaille, mais qui a changé à Orléans d'ailleurs, que je salue, et qui a monté des ateliers de conditionnement, c'est-à-dire qu'on apprend à ces adolescents, puisque là ils sont quand même un peu plus vieux, hein, à travailler dans ce qu'on appelle du conditionnement, et ce qui va pouvoir leur donner des portes. Des trucs comme ça, non, dans les centres. Tu sais, où ils préparent c'est trucs d'Europe. C'est ça, tout à fait. Là, moi, c'est un IME, hein, Institut Médico-Éducatif, qui ne s'appelle plus IME, d'ailleurs, ça s'appelle les DAM. Oui, bon, j'aime bien changer de nom, mais bon, c'est toujours en train de changer cette histoire-là. Moi, je les comprends aussi. C'est comme les logiciels, ça. Ouais. Et il a appris à ses adolescents, par exemple, à aller travailler dans des grandes enseignes de restauration rapide, qui étaient de mettre des nuggets dans une boîte. Et ben, ça paraît tellement simple, vraiment. Tellement simple. Mais un profil un peu autistique va vite angoisser parce qu'il va recompter 25 000 fois s'il a mis les 8. Je me rappelle. Ouais, ouais. Je vais compter et puis, oh purée, ça s'est un peu déconnecté. Alors ça peut tous nous arriver. Mais sauf que je suis hyper sensible au stress et ça va me faire monter et puis je vais perdre des pédales et voilà. D'accord. Et donc il a utilisé ni plus ni moins des outils. Qui était de poser. Alors c'est très hygiénique hein, parce que ça a été réfléchi pour que ce soit désinfecté et voilà. De poser le nugget sur un rond. Voilà. Donc c'était une feuille plastifiée qu'on pouvait désinfecter. Il y avait 8 ronds. En fait, il a programmé la personne à mettre un nugget sur chaque rond. Et une fois que j'ai plus de ronds affichés, je prenais mes nuggets et je les basculais dans la boîte. Et il faisait ça à la chaîne. Il ne savait ni lire ni compter. Hein. C'est pas un problème. Par contre, il sait qu'il fallait mettre un nugget sur le rond. Et ce jeune garçon a pu être employé sur une grande enseigne de restauration rapide. Ouais, c'est bien. Il a sa place. Ouais, il faut trouver. Il faut changer un petit peu les horizons, la façon de travailler, les plans de travail éventuellement. C'est ça. Il faut s'adapter. Hein, il faut s'adapter. Que l'employeur il s'adapte. C'est plus nous à s'adapter à eux que s'adapter à nous, parce qu'ils peuvent pas et puis ils veulent pas. Donc comme il faut ils font partie de notre monde, même s'ils sont pas toujours dans le même monde. Ça reste compliqué. Là, mais avec les normes, avec tout ce qui est, ça devient compliqué. Mais tout ça, ça devient compliqué. Là, j'ai fait un coucou à Claire, mais elle a un fils, alors pas TSA, mais TDAH, hein, qui est un TND, hein, et qui a 17 ans, qui n'a pas pu aller à l'école, qui a été hyper mal suivi, et pourtant elle s'est battue. Il se retrouve, il a une légère déficience intellectuelle, mais ce qui ne l'empêche absolument pas de discuter avec toi et tout ça. Mais actuellement, il ne va pas trouver de travail, quoi. Ouais. Il ne va pas trouver de travail, et il en a trouvé, et à un moment donné, à chaque fois, il se fait virer parce qu'il n'a pas de filtre. Ben oui, les codes sociaux. Alors, tu peux pas dire à ta collègue qui a 40 ans que t'avais pas arrivé à l'heure, quoi. Il a dit, c'est, alors on lui a dit que ça se disait pas, mais lui, c'est pas grave. Il lui dit, bah ouais, mais moi, on m'a appris à venir à l'heure, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Ben, y a des façons de le dire, quoi. Voilà. Et ouais, c'est tout ça, en fait. Dans le monde du travail ordinaire, c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc ça fait partie un petit peu des défis de tous les jours. Oui. Hein, c'est tout à fait. C'est leur défi, hein. Vraiment, hein. C'est pas non seulement que leur défi, mais c'est aussi le défi des familles, hein. Oui, c'est vrai que là, on parle beaucoup de toi en tant qu'éducatrice, en tant qu'accompagnant et personnel spécialisé. Mais pour les familles qui ont des enfants autistes et qui grandissent et tout ça, c'est vraiment bon. Déjà, il faut pouvoir le supporter, il faut pouvoir être là, faire son je vais pas dire son métier, mais son rôle de papa, de maman, de frère et sœur, parce qu'on peut avoir des enfants tout à fait bien portants, on va dire dans la norme normaux, et puis des personnes à avoir un enfant, un frère, une sœur qui est handicapé. Et l'explication, j'en profite pour faire un gros clin d'œil, un gros bisou à tous ces parents et ces familles qui tous les jours accompagnent. Et je sais que c'est pas facile, et si on peut de temps en temps faire un petit geste pour eux. Moi, j'avais un leitmotiv, j'avais un petit mot quand je faisais un petit peu d'humanitaire dans une autre vie, on va dire. Je fais beaucoup d'humanitaire et j'avais une phrase qui disait que les petits gestes permettent à l'homme de grandir. Ouais. Voilà, tout simplement. Et je signais souvent comme ça quand je faisais des demandes. Alors c'était à double sens, bien évidemment. Si on peut de temps en temps leur donner un petit peu d'air, un petit peu d'accompagnement. Puis si aujourd'hui on peut donner une antenne, donner une radio à des personnes qui connaissent, c'est fait avec Didier, Arc-en-Ciel, Didier & Co. sur 96.2 à 15h34 ce jeudi 23 avril. Voilà, et c'est Cassandre au micro, on retourne sur toi. Comment on peut inclure en fait le mieux ces personnes-là, ces êtres-là? Déjà que on diffuse. Alors, ça va aller sur les deux. Hein. Les médias, diffuse de plus en plus les stéréotypies du trait autistique. J'ai un petit truc qui me vient là, je t'en parle après. De plus en plus les pubs, de plus en plus la société commence de plus en plus à inclure les des profils. Feuilletons. Ouais, des feuilletons, des films, il y a plein de trucs. Il y a un feuilleton qu'on voit notamment sur une chaîne bien connue le soir où il y a un enfant justement avec son papa qui est autiste. Ouais. Et voilà, on a du mal à... Mais quelque part, c'est bien parce qu'ils ont leur place. Ils ont leur place. Ont leur place. Voilà. Après, alors, est-ce que c'est un vrai acteur ou est-ce que c'est... Je pense que c'est un acteur qui joue ce rôle. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas regardé. Mais bon, on le voit pour ainsi dire plus dans ce feuilleton. Mais voilà, au début, on le voyait très très très très très souvent, et des fois, on avait un petit peu de mal à comprendre. Enfin, moi, j'avais pas de mal à comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui posaient des questions. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Ouais, on les met en avant. Oui, c'est bien, bien sûr. Enfin, pour moi, oui, il faut. Oui, il faut les mettre en avant parce que on les détecte de plus en plus tôt. Oui, parce aussi. Que la société fait ça. Je vais mettre un petit garde sur quelque chose qui sont les tablettes et les téléphones vont créer chez nos enfants de plus en plus tôt des troubles de communication. Ah oui, ça on va y venir. Et tu peux en parler d'ailleurs. Et en fait, ça va s'apparenter au TSA. TSA. TSA, trouble du spectre de l'autisme. Or, ils ne sont pas forcément nés avec un trouble du spectre autistique. Hein. C'est ni plus ni moins les réseaux et tout ça qui ont fait qu'on coupe nos échanges sociaux. C'est vrai que ce que tu soulèves là, Cassandre, moi je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, d'une mère de famille dans un arrêt de bus. Enfin, un arrêt de tram, pardon, qui disait à son enfant, il n'arrêtait pas, puis bon, l'enfant, il me paraissait bien, et elle lui a dit, et j'ai failli bondir, puis après, je dis, Didier, allez, ça va encore partir en live et tout ça, elle lui a dit, mais regarde cet autiste, il était dans son truc, il était dans son monde, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, regarde, elle disait ça à son propre enfant, qui... Pour moi, n'était pas. Mon regard a dû rendre. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas. Non, pour moi, c'était. Je veux dire. Il n'avait pas ce qu'on appelait au niveau des neurones et du médical et tout ça. Mais ceci dit. Il lui a dit méchamment. Mais regarde-moi cet autiste. Le gamin, il l'a regardé. J'ai senti. Ouais. Mon regard a regardé sa mère, par contre. Ouais. Elle a dû comprendre que dans mon regard, il n'y avait pas de gentillesse. Parce que les tablettes, les téléphones, les interactions sociales, ils ne sont pas du tout bonnes. Hein. Voilà, mais ça, on l'a chez les enfants. De plus en plus, ça devient affolant. Mais quoi faire? Comment faire? Mais chez les grandes personnes, c'est pareil. C'est la société qui fait ça. La société, la consommation, le côté scroll, le côté. Mais on le voit dans le côté communication des gens. Oui. Alors, en plus de ça, avec des personnes qui sont autistes, je pense que c'est encore plus difficile. Et ils arrivent quand même. Tu me disais qu'ils étaient énormément doués pour aller sur ces réseaux, aller. Ils sont forts. Ouais. Ils me font toujours rire d'ailleurs. Ouais, parle-moi un petit peu, tiens, de ça. Ça peut être ça peut être leur interaction sociale, leur intérêt restreint, qui est en flux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lumières de téléphone. Les lumières bleues font que si j'ai une hyper ou une hypo, en fait, ça va stimuler mon cerveau. Donc forcément, ça va les faire eux. Alors vulgairement parlant, on va pas parler technique, mais vulgairement parlant, ça les rentre dans leur monde. La lumière bleue va accentuer l'accélération du cerveau et va leur faire rentrer dans leur monde. Mais tout comme nous, automatiquement, on rentre dans notre bulle. Donc pour eux, c'est quand même beaucoup plus simple de communiquer par texto. C'est vachement drôle cette histoire, mais en effet, j'ai pas besoin de te regarder parce que quand j'échange avec toi, je te regarde, on fait des gestes. Bon, là, il y a une vitre, j'ai pas l'odeur de ton parfum, j'ai pas tout ça. Non, mais sans déconner, quand on a une hypersensibilité olfactif, plus auditif et visuel, ça va être compliqué. Tu me fais sourire parce que ce que tu dis là, moi, je l'ai c'est vu. C'est trop vrai. Oui, c'est trop vrai. Et puis je l'ai vu dans ce fameux feuilleton que Madame regarde de temps en temps. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps, à pas se le cacher. Et justement, dans un de ces épisodes, il y a quelques temps de ça, le père, enfin le fils qui est autiste, communiquait avec son père plusieurs fois et par

Voilà, c'était donc, je pense que tu l'as reconnu, Grand Corps Malade avec Laila Bekti, donc le sens de la famille. Hein. Je pense que ça va tout à fait avec le sens de tout ce qu'on a. Je suis très émue parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas à celle-là. Franchement, tu m'as pris sur le fil. Le titre est juste magnifique, mais je vais faire une petite aparté là. Pour le coup, on est éducateur. On est être humain. Moi, je suis la femme d'eux. Je suis la mère de mes enfants. Je suis la professionnelle d'eux. Tu es mon invité. Je suis ton invité. Et j'accompagne des enfants ou des adultes où on dit toujours n'attendez rien d'eux. D'accord. Ils vous donnent tellement d'amour, mais surtout n'attendez rien d'eux parce que, en tout cas, vous allez être déçus. Vous allez pas recevoir ce que vous attendez. Et on fait partie de leur vie. Et en fait, on dit toujours, on n'est que de passage. Et au final, on fait bien partie de leur vie, vraiment. Et on fait partie de leur vie, de la vie de leur famille. Bien sûr. Là, tu t'as touché en plein cœur parce que j'ai des familles avec qui je suis encore en contact. Malheureusement, leurs enfants sont partis dans les étoiles. Je sais que c'est douloureux. Voilà. Et il y a une maman quand son fils est parti. Nous a envoyé un message et m'a demandé quelque chose de très particulier. Ce que si j'allais venir sur le dernier au revoir, est-ce que je pouvais écrire un texte pour son fils. C'est dur. Hein. Ouais, mais parce que elle, le handicap a fait que toute sa vie, elle n'a pas pu connaître réellement son fils. Bien sûr. Et celle qui connaissait le mieux son fils, c'était nous. Enfin, c'était vous, mais c'était toi aussi. Et la claque, là. Ah, ça... Aïe. En fait, tout à l'heure, je venais sur la route et je communiquais un petit peu avec ces familles parce que je souhaitais leur rendre hommage. Et tu passes ce titre et je me dis, on fait partie de la vie de ces enfants, de ces résidents, même si, je le redis, on n'est que de passage dans leur vie. Hein. Mais en fait, on rentre vachement dans leur univers et avec leur famille, en fait. Même s'ils ont toute leur place de famille, hein, vraiment, parce qu'on est là juste pour accompagner. Et vraiment, et quand cette maman ou ce papa, parce que c'est un couple adorable, et qui nous disent, est-ce que vous pouvez écrire des mots sur notre fils parce que nous, le handicap a fait... que en fait c'est vous qui le connaissez mieux. Là on a fait ouais. c'est troublant. Et le passage que tu passes juste avant, enfin voilà, ouais, alors pour le dire, je m'y attendais pas et je voulais faire En général, quand je prends des invités, je leur demande de choisir à peu près 5, 6, 7 titres qu'ils m'envoient en MP3, et puis bon, je les mets. Puis de temps en temps, je vais faire des recherches aussi. Il y a des morceaux que je connais, d'autres que je vais aller chercher. Et là, je t'ai contacté hier, je crois, oui, par mail, quand je t'ai envoyé un petit peu le questionnaire. Et je t'ai dit, te tracasse pas. J'ai des titres, qu'ils vont tout à fait bien aller dans l'émission. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais tous les titres que j'ai choisis pour mes invités, tels qu'ils soient, je me suis rarement trompé. Et là, c'était bien joué parce que dans le texte, ils disent c'est mon équilibre. Et là, j'ai juste une phrase devant moi. Après, c'est à qui dit que j'ai perdu mon équilibre. Voilà, savoir les placer, ce qu'il faut. Bon, il est 15h47, alors t'inquiète pas, hein, on a 5 minutes de plus, c'est pas grave, bon, on au contraire. Pas on n'est pas à 5 minutes, il n'y a pas de pointeuse ici, sur Radio Arc-en-Ciel, à 15h47, il ne va pas y avoir la sonnerie ça à va. 16h. Voilà, donc c'est Cassandre, on parle toujours de l'autisme. Et là, Cassandre, je vais aller un petit peu dans les choses un petit peu plus... moins facile. Oui. Comme tu as pu le voir, j'ai reçu... C'est pour ça que je t'ai envoyé le questionnaire hier, et j'avais pas encore reçu toutes les questions. J'ai reçu... j'ai que 3 questions, mais c'est marrant, parce que dans le prénom du milieu... j'ai eu Bertrand qui m'a posé comme question que dirais-tu à un parent qui découvre le diagnostic? Alors avec mon grand sourire je lui dirais ça va aller, vraiment. Ça c'est mon grand sourire et c'est mon optimiste qui fait ça, et derrière je vais lui dire le parcours va être long. D'accord. C'est paradoxal, mais je suis pas quelqu'un qui cache la vérité. Ça dépend tout ce qui va aller autour, Voilà, quel âge il a, sur plein de trucs. Le parcours va être très très long. Notion générale, bon, il le découvre quand les personnes sont enfants. Oui, maintenant mieux, de plus en plus, le parcours va être long. Déjà parce que... Il n'est pas insurmontable. Non, il n'est pas insurmontable, mais il est long. Il est très très long parce que il faut aller en effet sur le diagnostic. Il va falloir aller défoncer un peu quelques portes pour avoir de la place sur les soins, sur tout ce qui est orthophoniste, psychomote, voilà, des choses, des accompagnements comme psychomote, ça. Psychomoteur. Psychomotricienne, oui, voilà, absolument. Pardon. Et les délais sont très longs. Et quand on est parent, je pense que les délais vont être encore plus longs à attendre, en fait. Les délais sont presque de 2 ans derrière. C'est là, fou. Encore une fois, je vais encore appuyer là où il faut pas, ou là où ça fait mal. Ouais. Mais il faudrait que nos institutions, ils aident beaucoup à ce niveau-là, et les personnes handicapées, parce que souvent, elles sont larguées. Moi, je vois Jean-Guy, que je resalue. J'en profite pour dire qu'il vient de sortir son livre sur le handicap, qui s'appelle Cap. Enfin, Cap ou Handicap. Pas oui. Cap. Et je fais un petit peu la promo parce que c'est un ami, c'est quelqu'un qui me donne des grandes leçons de vie. On n'est pas à côté, mais on est très souvent au téléphone ensemble, on se soutient. On a coécrit ensemble des livres, enfin, sur d'autres sujets. Et hier soir, il m'a encore envoyé un texte qu'il a écrit, qu'il va mettre en chanson. Il m'a dit, Didier, je veux que tu sois la première personne. Et je dis vraiment. Et donc, pour dire ça, il m'explique un petit peu son parcours et il est président d'une association personnes handicapées. Le parcours qu'il a à faire, c'est démentiel. Ouais. C'est honteux. C'est honteux, oui. Parce que sur des spécificités d'accompagnement, hein, parce que je le redis, hein, on est parents avant tout. On apprend à être parents sur le tas, hein, parce que mais il y a pas de livre qui existe. Enfin, si, il y en a un paquet qui existe, mais voilà, il y a des choses qui se font naturellement, spontanément sur les liens. Là, le lien avec son enfance, bah, il va être plus compliqué. Et en plus, on va lui demander d'être des spécialistes. Bien sûr. Et en plus, pour être spécialiste, non mais la honte. Il faut que ces personnes prennent sur leur jour de congé annuel. Bien sûr. Et d'aller se former. Et voir. Et aller payer la formation sur l'apprentissage ABA, la communication par image. C'est une aberration. C'est une des aberrations. C'est juste pas normal que ces familles aient à payer comment accompagner leurs enfants, quoi. Bien sûr. Vraiment. Je le redis, quoi. Le profit. Ouais. J'ai une autre question, donc, qui est justement de Morgane et qui est le prénom d'un enfant que tu as accompagné pendant très longtemps. Oui. Il avait 2 ans comme Cassandre. Il disait toujours ça. Voilà. 2 ans ou 22 ans, c'est déjà pas mal. Voilà. Bah, tu m'as expliqué tout au long de l'émission, mais comment réagir. Alors, une personne qui n'est pas formée pour. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Marne-la-Vallée. Comment réagir face à une personne autiste? Ouais, alors on évite les câlins. Si tu avais 2-3 petits conseils, t'évites les câlins. T'évites les câlins. Ouais. Ça marcherait jamais avec eux. Voilà, et puis être spontané. Alors ça, c'est notre quotidien et moi la première. Hein, je parle très très vite et on balance plein d'infos. Bah, limiter les informations parce que si je te dis bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Cassandre. Il y en a déjà 3 infos. Bonjour, socialement, comment tu vas? Ça va, je m'appelle Cassandre. Fait 3. Et puis en plus, t'es qui pour me demander si je vais ou si je vais pas bien, j'en sais rien. Enfin, bref, il faut parfois donner des informations très très courtes. Des fois, moi, je dis toilette. Histoire à l'éclair. C'est pas va aux toilettes ou est-ce que tu vas aller aux toilettes? Est-ce que tu veux? C'est une ouverture de questions dans la communication. C'est compliqué. Toilette, c'est une information. Ouais. Voilà, oui, manger. Ouais. Voilà, manger. Bah, manger. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux manger? Oui, mais ça dépend ce que j'ai envie de manger. Ouais, quoi, non, mais là, c'est trop compliqué. Voilà. Des informations assez courtes, on évite les câlins. Faut aller direct, hein, factuel. Ouais, faut aller direct. D'accord. Ouais. Cyril, quel comportement éviter? Bah, les câlins. Toujours pas de câlins, messieurs, dames. Même si, socialement, on fait pas de câlins. Ils étaient ravis sur le temps du Covid, on faisait pas de câlins. C'est l'avantage. On évite les câlins et on évite trop d'informations. Le passage du Covid, on en parlait tout à l'heure, a dû être délicat quand même. Est-ce que tu te rends compte que j'ai dû appeler la police des docteurs pour expliquer que le microbe n'était toujours pas en prison? Enfin, je suis partie dans des délires loin, mais oui, c'est pas concret cette histoire. Alors nous déjà, on a eu du mal à comprendre et on n'a pas encore tout compris. Et on n'a pas tout compris. On voudrait quand même certaines explications. Et le port du masque. Le port du masque. D'ailleurs, tu peux l'enlever maintenant. Ah, le port du masque, ça a été quelque chose, cette histoire aussi. Parce que ça casse notre visage. Le facet, le côté de l'image. Et puis, les codes. Le sourire, le code. Et puis, les codes qu'on donne. Les codes gestuels. Ouais. Voilà. Et le regard, on peut le faire. Et puis, expliquer pourquoi maman, elle ne viendra pas vendredi, quoi. Ouais. Non, ça a été mais dans bien des alors l'histoire des 1 km tout ça, laissez-moi rire, mais bon, enfin, parce que moi j'en ai parcouru plus d'un kilomètre, parce que c'était 1 km mais à droite, à gauche, au milieu, au centre, donc ce qui a été quand même leur point fort sur cette histoire de Covid, ça a été parce que nous on a eu des vrais cas de Covid, hein, donc il a fallu qu'on isole. Moi j'ai attrapé 3 fois. Moi j'ai jamais eu, alors tu vois, il a fallu qu'on isole les résidents, et ça on s'est dit ça va être compliqué, va être extrêmement compliqué d'isoler les résidents dans leur chambre, quand ils sont malades, parce qu'on parle pas, on n'a pas parlé de maladie, on n'a pas parlé et de grippe. Et pourquoi on mange dans ma chambre, parce que d'habitude j'ai pas le droit de manger dans ma chambre, et on a interdit de manger dans ma chambre, et on mange dans la collectivité, pourquoi on mange pas dans la collectivité? Non, c'était un enfer. Et au final, eh bien on s'est aperçu qu'ils se sont extrêmement bien retrouvés dans cette histoire. D'accord. Confinés. Parce qu'ils se sont retrouvés dans leur... Quelque chose de très sécurisant, au final, avec des rituels un peu différents, voilà. Peut-être plus difficile pour vous. Ah ouais. Ouais, je pense. Mais on a passé très bon moment, d'ailleurs. Mais voilà. D'accord. Et... le comportement, donc on vient de... T'es vite les câlins, hein. Écoute, j'avais trois petites questions. En arrivant un petit peu au bout de l'émission, je vais repasser un petit peu de musique, parce que c'est aussi le but de l'émission. Et puis on va terminer en douceur, hein. J'ai encore deux ou trois petites questions à te poser. Avec grand plaisir. Allez, c'est reparti, donc avec True Color, avec Cindy Lopez. J'adore. Il est 15h59. Nous sommes presque au bout de cette émission, mais qui est vraiment passionnante avec une personne passionnée. De l'autre côté de la vitre, au micro, Cassandre, qui nous parle de l'autisme. Et on va un petit peu dépasser l'heure, voilà, parce qu'il est 16h, et puis c'est pas grave, j'ai jusqu'à 17h l'antenne, donc après, je fais ce que je veux. Donc, on a vu un petit peu comment mieux comprendre une personne autiste à travers toutes ces explications. Mais si tu avais un conseil ou quelques conseils simples à donner pour le grand public, monsieur, tout le monde, dans la rue, partout, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je crois que malgré leur facette un peu insociable comme ça, qui ne donne pas envie d'aller les voir, allez-y. Allez les découvrir parce que ils sont remplis de couleurs. Ouais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors je le redis, hein, pourtant, quand on dit autiste, on dit noir ou blanc. Il n'y a pas de gris. Hein. Histoire, là, mais c'est noir clair. Et blanc, c'est pas des couleurs, on m'a toujours dit. Non, c'est pas des couleurs, ouais. Absolument. Et pourtant, ils ont ils ont plein de multiples facettes. Ils sont hyper intéressants. Ils vont t'emmener dans des milieux tu attends pas. Vraiment. Je pense que ce sont des êtres magiques, vraiment. Et ça, c'est pas que mes paroles, et pourtant je rejoins la personne qui me les a envoyées. C'est des gens magiques, vraiment. Et puis quand ils vont arriver, ils vont te faire un chamboule-tout chez toi, tu vas rien comprendre en fait, vraiment. Et puis c'est des attachants. Enfin, dans ta tête. Ouais, dans ta tête, tes émotions. Et c'est des attachants, hein, parce que on passe parfois des journées tellement longues. Ouais, surtout la Marne de la Vallée. Est-ce que vous savez ce qu'on va retenir de la journée? C'est le moment où on a tapé un fou rire en fait. Voilà. Alors le fou rire, elle a été 30 secondes, hein. Vraiment. Mais voilà, sur 10 heures, il a été que 30 secondes. Mais c'est des chamboule-tout dans votre vie, quoi. D'accord. Dans les mondes que tu côtoies, dans les gens que tu côtoies, est-ce qu'il y a des ressources ou des associations que tu aurais à recommander, notamment éventuellement pour une personne qui découvre l'autisme? Alors moi, je suis pas très très bien informée sur le sujet parce que Ne serait-ce que la tienne déjà. Ouais, c'est ça. Peut-être aller voir des éducateurs libéraux qui vont venir vous venir en aide, hein, puisque il y a des éducateurs libéraux dont je vais en faire partie. Les rêves de Zoé, parce que je crois que c'était les rêves de Zoé, que je fasse partie de sa vie. Elle me disait, t'es pas super nanny, Cassandre. Non, ça c'est sûr, hein, sinon je le saurais. Et que j'allais pas passer mon bac. Oui, j'avais pas fait attention à l'émission Super Nanny. Comme ils ont des phrases un peu plaquées, c'est-à-dire que ils prennent des phrases un peu stéréotypées, elle me disait, t'es pas super nanny, Cassandre. Non, je suis éducatrice, mais je suis pas super nanny quand même. D'accord, voilà. Ouais. Puis quand elle était un peu fâchée, elle me disait, tu passeras pas ton bac à la fin de l'année. Non, ça c'est sûr. Hein. Et voilà. Alors bien se renseigner, auprès des libéraux. Surtout essayer d'aller. Je connais pas assez parce que pour l'instant j'en suis qu'au stade. Moi je leur dis, j'ai 43 ans, ça fait une petite dizaine d'années que je suis rentrée dans le milieu de l'autisme. Je suis encore en train d'apprendre à les découvrir. Il y aura toujours à apprendre, même si là j'en ai pris une bonne bouffée depuis 10 ans. Là, je vais commencer à ouvrir justement. Tu satures pas, non ? Jamais, non. Jamais. Non. Alors si, il y a des fois, je suis fatiguée. Franchement, il y a des fois, je me dis, mais pourquoi Non, mais il y a pas très longtemps, hein, je me dis, vas-y, ça me prend la tête. Moi, je vais aller faire du drive et puis comme ça, je vais voir personne et puis ça va moins me prendre la tête et moins de faire de nœuds au cerveau et moins de nœuds physiquement. Et au final, je râle 5 minutes. D'accord. Et puis le lendemain, on repart, quoi. On repart parce que ils ont ce regard tellement profond, même si on dit souvent ils vous regardent pas dans les yeux, mais un coup qu'ils vous ont capté. Ouais. Ça en dit long. Ça en dit très très long. Hein. Ouais. Et tu sais pas si c'est eux qui te regardent ou si c'est toi qui le regardes. J'en sais rien. À chaque fois, je me suis toujours posé la question. C'est vrai. Je confirme. Ce regard, il est. En fait, quand ils te regardent, on a l'impression qu'ils rentrent dans toi. C'est incroyable. Ouais, avec leur j'ai l'impression qu'ils m'aspirent là. Restez, laissez-moi tranquille. Voilà. Voilà. Si... Je souhaite vraiment que les gens puissent voir au-delà. Au-delà, ouais. Ouais. Je crois que si j'avais un dernier mot, c'est ça. Ouais, bon, regardez au-delà. Il y a encore quelques mots avant, ouais, avant la fin. Donc, ne changez pas de chaîne. Hein. Vous êtes sur 96.2. Quand je dis de chaîne, je dis de station. Vous êtes 96.2 Orléans. C'est Didier & Co jusqu'à 17h. Et il y a une petite partie après musicale qui va vous redonner un petit peu de boost. J'ai préparé ça avec grand plaisir. Ah, c'est cool. Donc, le message que tu aimerais faire passer. Ouais, c'est ça, c'est apprenez un peu à regarder au-delà, puis apprenez à regarder autre part que vos chaussures, messieurs, dames, parce que la société fait qu'on est tous autistes, hein. On est tous en train d'un peu de regarder nos chaussures à différents niveaux, et puis arrêter les clichés, alors ça, le cliché, je l'adore, vous avez un métier formidable, mademoiselle. Ça doit être difficile, hein. Oui, il y a des jours c'est pénible et vraiment c'est difficile physiquement, moralement. On va pas se mentir. Mais je le redis, on passe des moments de fou rire. Mais enfin, moi j'ai un jeune garçon, l'autre jour je lui dis, tu penses à te mettre sur ton 31 parce que ça va être la photo de classe, hein. Il me dit non, la photo ça sera le 17, on sera pas le 31. Bon, ça m'est resté un moment, celle-là. Voilà. Où je leur disais, on va pas marcher, les gars, il pleut des cordes. Non, il pleut des gouttes, quoi. Il pleut des gouttes, les gars. C'est si vrai. Alors, comme j'ai un humour décalé, mais j'aimerais que les gens retiennent aussi ça. Il y a des moments, c'est pas une partie de plaisir, hein, c'est vrai. Hein. Mais il y a tellement, tellement de beaux moments où on a tapé des fous rires, mais incroyable. Incroyable. T'as pas fini. Non, j'ai pas fini. Ans, encore le ouais, temps. 43 ans, j'ai encore le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette émission ou en tout, déjà de l'émission et. Ce que je voudrais que les gens y retiennent, c'est qui est le plus bizarre d'entre nous. C'est toi ou c'est moi? J'en sais rien. C'est peut-être mon fils, j'en sais rien. Son regard en dit long. Ces trucs là, il est bizarre ou ça va être difficile. Ils sont heureux. Il y a des moments où je pense qu'ils sont pas heureux, mais comme nous. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé et ça me vient tout de suite à l'esprit là parce que je sais que tu es musicienne, moi aussi, à mon temps perdu. À la retraite, j'ai pas que ça à faire. Je prépare des émissions radio aussi. Mais l'attrait de l'autisme par rapport à la musique. Alors en général, ils ont l'oreille absolue. Ils ont l'oreille absolue. Ouais. Très très bonnes oreilles. Ouais. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on a des hypersensibilités auditives. Hein. Souvent, on supporte pas le bruit du néon qui va faire clic clic clic ou qu'est-ce que je vais trouver, la chasse d'eau qui goûte. Ouais. Tic, tic, tic, tic. Bon, moi, neurotypique, ça va me passer au-dessus ou pas d'ailleurs, hein, parce que des fois ça me gonfle. Des fois c'est gonflant. Hein. eux, ça va les rendre dingues. Hein. Et vraiment, je le redis. Un BPM. Je sais pas, il y a quelque chose qu'ils ont lors de la musique. Ils sont musiciens quand même. Ouais. Ils ont l'oreille. Enfin, moi, j'avais un jeune là. Des instruments de prédilection ou. Pas forcément, plus l'épée. Alors, il y a beaucoup de percus parce que on va les travailler sur les sensibilités corporelles, les résonances dans le corps. Et c'est ce qui vont les faire vibrer. Hein. Je vois la petite Zoé, elle avait une oreille, un rythme de dingue. On a fait venir un musicothérapeute là. Elle avait un rythme, on faisait un rythme, elle te le faisait en 30 secondes, quoi. Et elle se mettait la tête dans le djembé. Je lui disais, mais Zoé, tu vas être sourde. Et en fait, c'était toutes ces caisses de résonance. Les fréquences, les basses fréquences, ça porte. Je vois pas le violon, parce que c'est des hautes fréquences. En règle générale, ce que tu vas trouver, c'est de la percu. Beaucoup de percu. Ouais. Le piano, le piano, ils adorent. Ça sonne pas très juste, hein, aussi, mais. Ouais, mais c'est de la percu, hein, ça reste. Après, le fait de. Tu parlais de la musicothérapie. Alors, j'ai eu une émission, je crois que c'est la quatrième, sur la musicothérapie. Alors, c'est pas un musicothérapeute qui était là. C'est justement une personne que je salue, qui est peut-être derrière, Jean-Mi. Et il est venu nous parler parce qu'il a filmé pendant des années, il a fait des films sur Alzheimer et sur la musicothérapie. Et on avait abordé justement un petit peu ce sujet de la musique avec les personnes handicapées, donc l'autisme, mais surtout le côté Alzheimer pour les remémorer. Les gens se... voilà. Bah écoute, avant de nous séparer, tu sais que chaque semaine, je reçois des invités... différent. Et la semaine prochaine, je vais te parler d'une chose. Est-ce que tu as entendu parler de la vieille Europe ? Pas du tout. En archéologie, la vieille Europe, ça désigne les cultures néolithiques d'Europe. L'origine du terme a été popularisée par l'archéologue alors Marija Gimbutas dans les années 1970. Tu vois, c'est pas si vieux que ça. Et Sylvie Vercher, qui n'est autre que ma frangine, sera mon invitée et elle nous parlera entre autres des Yapnaya. Est-ce que tu connais les Yapnaya ? Pas du tout. Bah, tu vas en connaître la semaine prochaine, alors tu vas découvrir plein de choses. C'est ceux qui sont arrivés bien avant les Gaulois. Voilà, c'était des gens qui arrivaient des steppes pontiques du côté de l'Ukraine, de la Russie et de tout ce qui s'en suit. En tous les cas, moi, personnellement, j'ai passé à Radio Arc-en-Ciel, comme d'habitude, un excellent moment avec mon invité. J'ai été passionné par ce que tu nous as dit et j'ai vraiment apprécié la sagesse de ton fils. Oui, il est sage. Qui m'écoute. Ouais, il est sage comme une image. Tu l'as, ça me coûtait cher. Tu l'as bien dressé. Ça me coûtait cher. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ta façon d'interpréter, de voir les choses, ton regard, ton sourire. Et je t'invite à, comme j'invite les gens qui étaient derrière, je remercie pour leur écoute. Et pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter, ben logiquement, si Florent fait bien son boulot, mais oui. N'est-ce pas Florent derrière, si tu Florent, m'entends. Florent, tu nous entends, il faut bien faire ton travail. Hein. Voilà, il va m'envoyer un message dans pas longtemps. Et donc il y aura un podcast et ce ouais. Podcast je mettrai sur la page Didier & Co. Pour nous quitter, j'ai choisi un morceau qui est je vais te dire le titre, c'est Walk the Moon. Marcher vers la lune ou sur la lune. En ouais. Ce moment, on y est beaucoup dans la lune. Allez, c'est parti. Et après, on passera dans la deuxième partie. Merci à toi. Mais merci à toi, Cassandre. Bien le plaisir. 16h11, Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. Didier Nico, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. Pochette surprise. together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. Why now? Why me? Why? Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Sit myself beside her, try to take her hand in mine. The moment's gone, the feeling's over. She looks around to find the time. Then she says, could we just sit and chat? And I think, well, Susanna. looking to the sky, I sit and wonder, there's a message got to you. Salut vous tous, c'est Dérapade sur Arc-en-Ciel 96.2. Nous sommes avec Didier & Co. Salut, c'est Stéphane de Saran et j'écoute Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bonjour, c'est Stéphanie d'Orléans. J'écoute Didier & Co sur 96.2, Orléans, Arc-en-Ciel. Salut, moi c'est Laurent de l'association Hypnotise avec 3Z. J'écoute Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel sur 96.2, Orléans et ça me donne la pêche. Salut. C'est Axel de la Paix. Je suis dans le 94 en région parisienne et j'écoute Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.9. Didier & Co, Arc-en-Ciel, Orléans. I don't know what you got, but I'm faced with my emotions. I want you so much, darling. I wanna hold you near. Wanna whisper sweet and in your ear. Can't stand the thought of you with somebody else. Gotta have your love, gotta have it all to myself. I say yeah, yeah, yeah, yeah. I wanna be your lover, lover. Wanna be your

16h54, 55 même maintenant, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, il nous reste 5 minutes ensemble, c'est Didier de Didier & Co. Et on va pas tarder de terminer, mais que voulez-vous, il y a toujours un début et une fin, et la fin justifie les moyens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. 96.2 Radio Arc-en-Ciel, c'est Didier, Didier & Co. Et on va en terminer là avec l'émission, en espérant que vous ayez passé un très bon moment avec nous, avec Cassandre. Pour moi, ça a été vraiment super sympathique de parler de l'autisme. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Allez, bye bye, et en avant la musique. 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, são 3 nos Açores. Olá, boa tarde, Nuno Rodrigues.